IKEA. Alors, t'as des nouveaux cours à la rentrée? Ouais, j'ai pris option grec, option latin et option cinéma. T'en dis quoi? J'en dis que, vu l'état de ton bureau, on va aussi prendre l'option rangement. Préparer la rentrée n'est pas une option. Jusqu'au 12 août, l'étagère Kallax blanche 42 par 147 cm est à 45€ au lieu de 54,99€ avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous sur IKEA.fr. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui, ah, oh. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Ah oui, non, c'est... Jason, il est pas habitué. Il arrive, il croit que... Mais non, nous on saute dans l'eau comme mais ça. C'est bien, ça nous fait du sang neuf. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Attends, t'étais un sage-poète de l'art. Bonjour, je suis Scatman à tout moment. Tu connais Rap God? Ouais. C'est moi, mon pote, c'est moi. Comme je suis accompagné d'Adrien Méniel. Comment vas-tu, Adrien? Je suis fatigué, mais ça va. Fatigué de quoi? On peut savoir? Bah hier il y avait la bonne auberge, on a fini tard, ouais. Et après on boit des coups et tout, et je disais mais moi ça va, j'ai rien demain. Et après j'ai dit je vais quand même regarder mon agenda. Bah si, il y a un podcast, donc c'est le meilleur, hein. Mais toi est-ce que tu surferais pas sur la vie comme les gens à sur la vie, sur le web? Ouais. Et ce qui est la même chose pour moi, globalement. Et ouais, un peu, c'est vrai. Donc, comme à l'accoutumée, nous sommes accompagnés de deux invités. Notre première invitée est humoriste, comédienne, autrice, réalisatrice un petit peu aussi. Ah, pff, elle a toutes les casquettes. Prochainement, on va la voir. Une slasheuse, quoi. Une slasheuse. On va la voir dans plusieurs films prochainement, dont Les Chèvres et une petite comédie dont on a très peu parlé ici, à savoir Noulé le Roi. Oh. Elle est aussi la créatrice du podcast À la recherche du temps de la Catane, qui est un peu une série audio, même moi j'ai l'impression. Enfin, moi je le vis comme ça. Tu une présentes... saga. Une saga. Une saga. Une saga. Une saga. C'est la saga d'Ayam, d'ailleurs, pour moi. Ah non, c'était pas ça le début de la saga. Bon, ça doit être là ou l'autre, hein, je pense. Quoi qu'il arrive, Akhenaton l'a mal pris. Je vais te le dire tout de suite. Qui nous permet de passer du temps dans ces douces actes qu'on aime. C'est Sophie Marie Laroui. Allez, ouais. Lourd, lourd le P. Merci. Emoji sablier. Notre seconde invité, c'est sa première fois dans le podcast. On est très heureux de le recevoir. Son spectacle 21e seconde est dispo sur Canal+, chaîne sur laquelle il vient de sortir une série entièrement de vie de garçon avec Farid, Panaitis Pasco et Guillermo Guise. C'est Jason Brocker. Ouais, bon. Oh là là. Et alors, vous avez pas l'odorama, mais ils sont hyper bons. C'est vrai, ouais. Moi, je mise tout sur l'odeur. Rolf Inspector. Dans tous les podcasts que je fais. Il a un pull en papier et il sent bon. Ouais, mais c'est looké, hein. C'est cool, hein. Moi, je trouve que t'es très stylé. Ça, pour un podcast, t'as fait un bel effort. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'image ici. C'est ça que je t'ai pas dit. Y a pas... Parce que maintenant, les podcasts sont filmés. Nous, on n'est pas filmés. Ouais. On est vraiment à l'arrache. Comme France Inter, là, qui filme. Oui. Ouais. Et ils disent pas. Oui, ils le savent maintenant. Il y a quand même plein de caméras. Ouais. Franchement, moi, j'y suis allé et je savais pas que c'était filmé, quoi. Mais pareil. Et surtout, c'est filmé apparemment. Pendant qu'ils passent les chansons, ils continuent de filmer et c'est en live et tout. J'ai soutenu Dieudonné pendant les chansons et bien mal mon rappelle. Moi j'avais les dès qu'il y a un petit Benabar qui soutient Dieudonné. J'avais les doigts dans le pif pendant toute l'émission, je savais pas. Ouais, je me sens moins seul. Voilà. Tant que c'est dans le tien. Allez. Pardon. Pas celui. Pardon. Le nez de Guillaume Meurice, hop là. Donc oui, on va faire le jeu du podcast comme toujours. Alors est-ce que ça fout autour de cette c'est une expression que je lance, hein. Est-ce que ça fout? Ça fout autour de la table? Jouer? Ouais, ou regarder? Ouais, un petit peu les deux. Ouais, ouais. Complètement. Très ouais. Foot. Ah, moi, très foot. Ouais. Ça peut aller très vite. Alors parce toi, t'as que t'as une équipe même, non? C'est-à-dire? T'as une équipe de foot? Oui, je joue. Oui. Oui. Mais équipe avec un K. Mais pourquoi tu me parles comme si j'étais débile? Malade ou quoi? Vous engueulez pas déjà? C'est trop tôt. Non, parce que t'as une équipe, je sais pas, peut-être. Non, mais ça peut être une équipe fétiche, genre que tu oui, soutiens. C'est ça, ou t'as une au équipe. Début, ouais. Ton équipe vois, à toi. C'est moi. Ou sur Football Manager. Non, mais j'ai que des scénaristes autour de moi, j'ai utilisé un auxiliaire. Non, mais moi je suis là pour arrondir les angles. Donc oui, tu joues régulièrement. Donc je joue régulièrement, ouais. Très bien. Et bien, tu vas peut-être répondre très vite à cette question. Un nouveau carton pourrait bientôt arriver dans les matchs. Ouais. Wow. Et alors, à quoi ça sert le carton bleu? C'est pour faire sortir les joueurs 10 minutes. Ah bien. Mais c'est bien ça putain. Ouais, quand il y a de l'anti-jeu. Quand il y a de l'anti-jeu. Non mais c'est bien comme au hockey sur glace quoi. C'est ça aussi sur le hockey sur glace. Bah le hockey sur glace, lui, il a une équipe la... de hockey sur glace, il fait du hockey sur glace toutes les semaines. Non mais au hockey sur glace, il y a je crois que ça s'appelle la prison ou un truc comme ça quand un mec fait de la merde et quand il tue quelqu'un ouais. Ouais ouais. Oui parce que le hockey pour faire de la merde faut... ils ont le droit de se battre à main nue. Et c'est OK, il y a l'arbitre qui regarde, qui fait putain, ils se battent bien. Non mais je crois qu'il y a un truc ouais où tu pendant une durée définie par l'arbitre, tu sors un peu quoi. Bah là effectivement, c'est une faute d'anti-jeu annihilant une action de but ou en cas de protestation véhémente auprès des arbitres, parce que ça aussi bah putain il va plus rater grand chose. Ouais. Deux cartons bleus donneront lieu à un carton rouge, comme le jaune. Donc il n'y a pas genre bleu, jaune, rouge. C'est deux cartons bleus, okay, directement bah, carton deux rouge. Deux cartons jaunes égale un carton rouge. Oui, non ouais. C'est ça. Donc aussi, c'est... ouais. Mais carton jaune, c'était. Voilà. C'est juste carton jaune, quoi. Voilà. Tu sors pas du terrain. C'est ça. Ouais, carton ouais. jaune, c'est genre. Maman est pas contente. Ouais. Avertissement ouais. de conduite. C'est ça. C'est ça. Là, t'es un peu au coin, quoi. T'as ouais, c'est un ouais, petit ouais, 10 minutes. Au coin. Ouais. Moi, j'ai une question ouais. et je pense que t'auras pas la réponse. Bah, j'adore le foot. Si hein, t'as donc, un carton jaune et un carton bleu, c'est OK. Ça, c'est un carton vert. Nick Dunlap. Vous ne savez pas qui c'est, bien normal. Les pneus, là. Hein? Les pneus, non, Dunlop. Ouais, c'est un golfeur amateur. C'est le matin, attends, personne non, juge, hein, on est à la cool. Hein. Un golfeur amateur de 20 ans vient de remporter un tournoi de golf très important en surclassant des pros. C'était pas arrivé depuis 91. Sauf qu'il ne va pas toucher la récompense d'un million et demi. À votre avis, pourquoi? Bah, c'est un robot. Non. Parce qu'il a, ah ouais. il a pas de rib. Non. Il a un bic, un Swift. Il est mineur. Il n'est pas mineur. Mais c'est ah vrai non, qu'il t'as est dit son jeune. Âge, non? Tu viens il de a 20 ans, nouvel. Ouais. Ouais, je suis. Ouais, mais ça aux, States, va, hein. aux States, c'est 21, t'aurais pu dire, tu vois. C'est vrai, c'est okay. vrai. Mais ce n'est pas ça. Ça n'est pas une intelligence artificielle. Non. Est-ce que. Pardon. Vas-y, vas-y. Je fais une synthèse. D'accord. Moi, j'étais plus, tu vois, aller vers l'avant. Mais... Ouais, je comprends, mais. Moi, je suis ça. Un mec, je vais de l'avant. De toute façon, c'est en regardant derrière qu'on peut aller devant. Je reste ghetto et je vais de l'avant. Ouais. Mais... Non, mais donc, c'est votre alliance qui non, va faire que vous allez trouver. Ouais, ouais. Donc, nanana. Il est pas mineur. Il est pas parisienne. Il est pas terroriste. Il est pas antiterroriste. Tu sais que je suis obsédée par cette chanson, ce moment. Léa! De elle est pas parisienne. Elle est pas antiterroriste. Et surtout, tu te demandes ce qu'elle est. Parce j'avoue. Que, à part, putain, qu'est-ce qu'elle est chiante à un moment. Ouais, il y a bah, qui super. Ouais, super. Bah, peut-être demande-toi mais pourquoi. Tu ne sais pas qui est Léa. Tu ne sais pas ce qui est. Ok, voilà. Pourquoi il n'a pas empoché il un a, million il a, et demi, vous imaginez. Il a donné. Alors, il faut une bonne raison quand même. Hein. Est-ce, bah, que, est-ce qu'il a enfreint une règle il, alors, d'une certaine manière, mais en vrai, il n'était pas inscrit au. À la Fédé. À la Fédé. Alors, c'est un peu ça. Ouais. Il n'était pas pro, il était amateur. Là, ah oui, donc la réponse était dans la question finalement. La honte. Et oui. Oh là là, c'est pas souvent ça. Non, mais je vous ai. Voilà, j'étais brain en fait. en fait, il était amateur. C'était un concours réalisé par les pros, une performance historique. Étudiant en deuxième année à l'université d'Alabama. Ça sent tellement le seum des Nick pros. Oui, mais il est pas pro donc. Vraiment. T'as perdu, gars, de fou. Il est devenu le premier golfeur amateur depuis 91 à remporter le titre du circuit PGA en s'imposant dimanche dans le désert classique en Californie. Mais du coup, il a pas eu l'argent du tout. 0 euro. Ah ouais, c'est dommage. Attends, c'est moi dommage, je veux savoir qui a gagné le deuxième. Bah, le deuxième qui est pro. C'est lui qui a gagné le 1 million. Ah non, je te jure, il a réussi un put gagnant, là. Un put gagnant, parce que j'adore le golf aussi. Je crois que c'est put. Ouais, ouais, c'est put. Ouais. Charlie Put. On dit put en Bourgogne. Et Jason Braz. gagnant au 18ème trou pour signer une carte de 2 sous le par 2,72. Moi, je connais allez, tout ce que je suis beau, en train de dire. Là, ça se voit que tu comprends ce que tu lis. Je dis tout ce que je dis. La 2 sous le par et le. Et il y a un carton bleu. Mais malgré sa victoire, le jeune Dunlap ne touchera pas d'argent en tant qu'amateur. Il ne peut pas prétendre à la dotation. C'est dommage. C'est donc son sous-dauphin, le sud-africain Christian Bezuidenhout. A noter que Dunlap est devenu le premier amateur à décrocher un tournoi et également le deuxième plus jeune vainqueur de l'histoire des 90 dernières années. Et c'est aussi le seul vainqueur pauvre. Et du coup, c'est dead pour lui. Non, mais j'ose espérer qu'il aura un espèce de truc. Peut-être des goodies au moins. Tote bag. Tote bag. Comment ça te construit ça? Comment ça te construit? Il a un t-shirt, j'ai gagné le tournoi et tout ce que j'ai eu, c'est ce t-shirt. Vous avez regardé la dernière saison de Fargo? Non, bah, il paraît très qu'elle bien. Est sympa. Très bien. Il ouais. y a du golf? Ouais. Ok. Ah, c'est pour ça que t'as pensé. Ouais. Ça va vite, toi. Hein. Écoute, est-ce que tu portes la vie, toi? Ah non. Voilà. Non. Est-ce que ça faisait des activités extrascolaires quand vous étiez petit, des sports, des trucs? Toi, oui. Jason, tu faisais quoi? J'ai fait du foot beaucoup. Genre, ouais, tout petit. Toute ma vie, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. J'ai t'as fait une du équipe hand aussi. Et à un moment, tu t'es dit peut-être plus qu'un hobby ou... J'y crois encore. Ah oui, d'accord. J'ai que 37 ans. Ouais, ça va. Donc, ouais. Permets-moi d'y croire. Non, mais tu sais que la dernière fois, je lui parlais de son équipe, donc de foot, hein, parce qu'il joue dans une équipe de foot. Voilà, le FC Denny, apparemment. Et genre, je dis, mais c'est quoi comme équipe? Et il me dit, non, mais attention, genre, on est en je sais pas comment ça s'appelle, en Ligue 6 ou je sais pas quoi. Mais alors. Vas-y, n'importe quoi. Non, je joue en vétéran, hein, ça vaut. Le mot vétéran, c'est un peu triste. Ouais. Mais c'est stylé, non, c'est un peu stylé, vétéran. Non, c'est pas stylé du tout. Il faut que tu viennes voir pour te rendre compte que c'est vraiment pas stylé. Vétéran, c'est que t'as été blessé, quoi, tu vois, c'est comme à la guerre. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu joues avec des gars avec qui tu joues depuis très longtemps? Ouais, du tout. Ouais, il y a des potes, ouais. Ah ouais, t'as magnifique. Bah, pour constituer une équipe et aller jouer, faut aimer le ballon. C'est lundi soir, 20h. Dimanche matin, c'est pire. Oh, ah ouais, dimanche matin. Bah ouais, les gars. Créteil et tout. Putain, hier on a joué contre Créteil. Bah bien sûr. Wow, j'ai gagné 3-1. Pas mal. Allez. Ouais. Attends, pas ça mal. Dit t'as pas répondu. Vous avez gagné. Vous avez gagné 3-1. Vous avez gagné. Non, on a perdu 3-1. Ouais, ouais, c'est ça. Tu faisais foot aussi toi un petit peu. Ah non, très peu moi. Ah ouais. Genre ouais, c'était pas fait pour moi. Ouais. Qu'est-ce qui était fait pour toi? Le basket plutôt. Ah oui. Non, ah le oui, foot, sûr. Le fait que ma famille soit sur le bord du terrain et se moque de moi m'a vraiment découragé bizarrement et a pas fait beaucoup de bien à ma confiance en moi. Ouais. Encore aujourd'hui. Ouais. Mais non, basket, moi, plus. Bah, bien mais, sûr. Mais cela dit, j'en ai pas fait beaucoup en club du basket parce que moi, c'est un peu le. T'es un autodidacte, tu dirais? Ouais, un artiste. T'es un genre de street basketteur. C'est quoi. Ça, ouais, c'est je, ouais, tout, ouais, tout ce que je fais, c'est street. La ouais. Baston, street fight, street basket. Toi, s'il n'y a pas une GoPro comme au 5, tu vas pas, tu rentres c'est pas ça, sur les ouais. Si je peux pas poster en story, ça m'intéresse pas. Si tu peux pas jouer contre Tony Parker, parce qu'il a quand même joué contre Tony c'est Parker. Ça. Oh putain, respect. Ouais, c'est vrai. Et tu lui as, c'est quoi que tu lui as mis? Non, je lui ai pris un rebond et il a réclamé faute comme un miskin. Ouais, c'est ridicule. Il y avait pas faute. Ça m'étonne pas de lui, ça. Bah attends. Quand il y a un king en face. C'est comme les équipes de foot, quand ils gagnent pas, ils demandent, tu sais, comment la ça VAR. S'appelle là? Non, non, pas Créteil, je t'explique, il y a pas beaucoup de la VAR. Ils demandent comme quoi le match il est annulé. Hein? Vous avez pas ça vous? Ah si si. On a trop ça. Ah le carton violet. Toi, t'imagines pas qu'il connaît rien. Ma pauvre Sophie Marie, je suis évidemment dans ton camp, j'en ai aucune idée. Non mais je l'aime à la maison. Ah, il aime le ballon. T'es tellement sûr de ton mensonge. Mais si. C'est pas un mensonge, il demande l'annulation du match parce ah, qu'ils ouais, ont perdu. Ouais ouais. Oh, ça, mais qui fait ça? Qui et bah, pourquoi surtout? Des gens. Les gens qui jouent le lundi soir, notamment à Créteil-Pompadour. Mais genre à quoi ton mec? Ouais, lui il demande pas l'annulation, mais les équipes. Mais d'en il fait face. Du foot? Il joue au foot, ouais. Ah, là, ça fout ouais, ouais. à fond, là. Ça fout à fond, mais de toute façon, c'est notre nouvelle émission. Ça fout à fond. Ouais, ouais. C'est cool que ce soit moi qui présente, du coup, parce que lui, je m'y connais grave. Il s'appelle le pied d'or, lui-même. Ah, yes. Mais c'est bien, il faut avoir une j'aime bonne bien dose le de confiance. Lui-même. Lui-même. Bon. Tu faisais quoi en activité extrascolaire? Parce hand. Que c'est pas forcément que du sport, ça se trouve. C'est ouais. Hand et sculpture sur béton cellulaire. Ah, hand, j'en ai fait aussi. Attendez. Moi aussi, je fais du hand. C'est vrai? Ouais. Vous avez ouais, fait tous les trois du hand? Bah ouais. Mais j'ai l'impression que c'est le sport que tout le monde a un peu fait, quoi. J'ai ah, mais vu c'est une... cool le hand, j'aime bien. Ouais, ouais, mais j'ai vu. Putain, c'était quelle émission? J'ai vu une autre émission. Ah oui, si, c'était Hugo Décrypte. Hugo ouais. Décrypte et Elise Lucet. Quoi dans la table ovale. Ah oui, non, d'accord. Dans la table ovale de McFly Carlito, il y a Hugo Décrypte qui a dit j'ai fait du hand et Elise Lucet fait oh, moi aussi j'ai fait du hand. Mais non. Que c'est le sport que tout le monde a un peu fait. Ah ouais, non, moi j'ai jamais du fait coup, de on peut handball. Se retrouver. Ouais, bah, pas tout le monde, tout le monde. Tout le monde, tout le monde. On va peut-être c'est danser un peu. Du sport en intérieur et puis ça complète. tu vois, quand il fait froid, parce qu'il faisait froid par chez nous là-bas. Ah bah oui. Donc, c'est vrai que ça joue en intérieur le hand, pourquoi? Parce que parce les cages, que... c'est des cages de foot aussi. Non, enfin, c'est des cages de hand, mon pauvre ami. Ah ouais? Les moi, je cages pense de que foot, c'est immense. Pour le sol. Hein. Ah comment? Ah oui, c'est pour le sol. Pour le sol, je pense. Ah, oui, tu joues avec sûr. Tes mains, il faut que je sois plat. Ah oui, ouais. Quand tu ramasses la balle, tu peux te niquer le. Ouais. Non, mais même le fait de dribbler, si c'est pas nickel plat. Mais tu peux le... pas dribbler, mais si. Au basket, c'est un genre de parquet. Pardon, tu dribbles au hand. J'ai pas joué au hand depuis le PS, moi j'ai complètement oublié. Non, tu dribbles. C'est juste qu'on dit pas handball, parce que je m'étais fait reprendre par un peu de PS un peu sec en disant c'est allemand, d'accord? Ouais, bon après. Ouais. Ça, oui. Me lance pas là-dessus. Non, surtout le lancez pas là-dessus. Et vous jouiez quel poste, s'il vous plaît, rapidement? Bah tu joues pas de poste à cet âge-là. Tu fais un peu tous les postes, non? Non, non, non, non, non. Ah ouais, ouais. Non, excuse-moi. Non, mais toi, tu jouais dans un terrain vague, en fait. Moi, vous savez, moi, là où j'ai grandi. Mais attends, mais vous êtes presque de la même région, hein. Ah ouais, t'es d'où? Moi, allez. Je suis de Bourgogne. Ah, moi, je suis de Champagne-Ardenne. Ouais, c'est rien c'est à voir, non? Non, c'est pas. Mais attends, t'es d'où de Bourgogne? Sud, Saône-et-Loire. Ah non, toi c'est. Ah ouais, non, ouais. Ouais, attends, non. Mais Champagne. Ouais. Je suis fou. Champagne-Ardenne, c'est pas un peu. C'est nord-est, quoi? Ouais, de, si, de Paris? C'est nord. Bah, la Bourgogne, c'est. En fait, c'est. Oui, mais il y a des. La topographie ressemble un peu. Je pense que nos dimanches devaient ressembler un bah, peu. Ouais. Voilà. Bon, ça n'a rien à voir, quoi. C'est pas, la. Rien de il n'y a pas un point commun, tu m'entends? Je crois que j'étais pivot, je crois. Oh. Après, j'ai pas joué très longtemps. J'ai fait ça en. Comment ça s'appelait? AS. Tu sais, il y avait un truc où tu ah, pouvais oui, faire oui, du oui. sport dans ton lycée. Ah, UNSS. Bien sûr. Non, non, je crois pas que ce soit ça. Si, c'est ça. C'est ça, UNSS. C'est exactement ça. Attends, UNSS, c'est pas genre. C'était le sport UNSS, je me souviens, ça existait. Ça, le UNSS. Les compétitions sportives du mercredi. Ouais, mercredi après-midi, ouais. C'est ça. On ah, avait du Sunny Delight, ça, mais je me souviens. Ouais. AS, moi. Et après, ils nettoyaient le sol avec le même Sunny Delight. Ouais, c'était vraiment pas une boisson à boire normalement. C'était très bizarre. Ah, vous êtes fatigué, vous avez chaud, prenez du Sunny Delight. Bah, du coup, c'est horrible, j'ai envie de dégueuler, c'est catastrophique. Et donc, pas de truc que du sport, quoi. Pas du, toi, tu faisais pas du dessin, par exemple, ou des. Ah, bah non, moi, tu sais, je suis autodidacte. Ouais. De tout, ouais. Non, tu faisais du street dessin, cela dit. Pas du graphe, quoi. Non, j'ai fait, mais en fait, toutes les activités extrascolaires, je les ai fait très peu de temps. Genre, j'ai pris des cours de guitare, j'ai arrêté. Ah ouais. T'as pas fait grand chose beaucoup, quoi. Ouais, comme maintenant, toujours un peu, genre, je fais pas au bout des choses. Je me plains, je ronche. Ouais, j'aime bien ton une style. un ballon dégonflé, peut-être à moitié gonflé de moi, là. Je suis là. Ah, j'aurais dit un mezzé. Un mezzé. Ouais, je préfère. C'est pas vraiment un plat, quoi. Ouais, c'est ça. Bon. Et toi, moi. Natation, toi. Allez. Natation. Ah ouais. Beaucoup de natation. Tous les Je me disais, t'as un petit truc aquatique. Il y a des. Ouais. Vois, hein. Bah Aquaman, bah, t'as failli être toi déjà. Non mais moi c'est les activités que mon père avait envie de faire. Il y avait ce truc où lui bien il fait sûr des trucs, ah, ouais. Il vivait donc, à travers toi quoi. Donc, non c'est pas ça, c'est si tu veux passer du temps avec lui. Tu sais que son père a rêvé de faire un podcast pendant très longtemps. Il lui a payé le matos. Mon père, tiens. Mon père c'est D-Fool, hein. À la base il est chez Skyrock. Oh, merde, attends, j'ai pas débranché. Non, tout va bien. Parce que j'ai beaucoup rigolé. C'était drôle D-Fool. Oh, si ça devait se débrancher quand on rigole, je peux te dire, on aurait pas fait beaucoup d'épisodes. Trop marrant. Et du coup c'est soit checké hein, pour les gens qui font ça. On adore se checker. Mais très mal. Tout doucement, des doigts. Toucher la main. Des doigts. C'est vraiment un check. C'est un genre de caresse, quoi. Un date ou un check. Mais du coup, ouais. Donc, tu sais plonger. Ouais, je sais plonger, ouais. Mais un tu peu sais moins. Tu sais nager surtout. Oui, ça va. Ça, je non, sais mais je vraiment que plonger. Ouais. Attendez, pousse tout c'est le monde. Crawl. On a déjà eu cette conversation lors du précédent floatcast que j'ai fait. Et c'est pas grave, c'est 10 piges, ma pauvre. Tout le monde sait nager ici. Oui. Tout le monde s'est plongé ici. Mais ouais. Frère, t'as pas idée. Mais plonger, moi, c'est moins bien. Parce que ce qui s'est passé entre quand j'ai fait la natation et maintenant, c'est qu'il y a eu l'arrêt de la natation. Donc il y a eu un plus 15 kilos. Donc ça modifie un petit peu mes capacités physiques. Non, mais ça va. C'est comme mais... le vélo, ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas. Je pense que ça s'oublie. Hein. De quoi, de nager. Attends, nager plonger, ou plonger. Plonger, ouais, ça je va. Pense que ça s'oublie. Plonger, non, mais attends, on parle de plonger, genre du bord de la piscine ou de. Dans non, mais genre, moi, je vais sauter dans l'eau et plonger. Tu rentres dans l'eau et ça fait pas trop d'éclaboussures. Tu rentres dans l'eau, peut-être la première. Ouais, voilà. Muriel Hermine, c'est bon. Avec tes mains comme ça. Muriel Hermine, pour qui tu te prends en fait. Mais cela dit, j'aime pas. Uniquement pour toi que je l'ai dit. J'aime pas plonger, forcément. C'est genre ça se la joue un peu. Je vais pas le faire. Vous voulez une anecdote? Je vais le faire. Vas-y, on va la piscine. C'est, oui. C'est pas moi, mais c'est une amie à moi bon, qu'on connaît. Qu'on connaît. Toi, tu la connais pas. Ok. Voilà. Qui a sauté dans l'eau d'une falaise. Et ben, figurez-vous qu'elle s'est fait une fissure au cul. Oh. De quoi? Mais comment? Le bah, coccyx, quoi, genre? Elle a. Non, le cul. Attends. De l'anus, quoi? Oui. Ah oui, ah ouais. Wow. Fissure anale. Ah, genre un plat, elle a ouais fait un plat du cul. Un plat bam du cul. Plat du cul, ça l'a régalé. Franchement, c'est un peu marrant. Et donc, forcément, ah ouais, douleur ouais atroce. Au salé en plus, donc voilà, difficile, ouais. Et après, bon, ellipse, d'accord. Ouais. Parce que tout le monde c'est sait son prénom que c'est une ellipse. Ellipse, tu sais. Enfin, oh là là. Superbe. Il a regardé dans sa tasse. Bon, ouais, okay, dans de l'eau. Benjamin Ellipse. Oh là là. Wow. On se régale. Ah non, mais attendez, je peux partir. Et ben, cut. Elle rencontre la personne qui deviendra le père de son enfant. Et il commence à machiner, t'as capté? Ouais. Et sauf que, bon, bah, il se trompe d'endroit. D'accord. Ouais, il se trompe. Donc, ok, bon. Non, non, mais. Et il lui rouvre sa. Ah, ah là là. Voilà. Elle est horrible cette anecdote. Ah ouais, c'est vraiment. C'est... On n'avait pas envie, hein. Mais non, mais moi, je suis là pour ça. Non, non, mais. Elle regarde dans sa tasse aussi, regardez là. Non, mais ça m'a. Ouais, ouais. Je l'ai ressenti physiquement, quoi. Est-ce que ça t'a fait chaud au genou? Ouais. Non, c'est plus au niveau de l'anus, hein, vraiment. Ça m'a fait quelque chose. Je me suis chié dessus. Et puis pour moi, c'est un Shyamalan parce que j'avais pas vu la chute arriver. C'est-à-dire qu'on était parti dans la piscine, dans la plongée. Quand tu présentes le mec comme le futur père de son enfant, tu dis il va pas lui fissurer l'anus. C'est ouais, si. Ouais, donc en fait, avant de plonger d'une falaise, faut vraiment bien penser à l'avenir, quoi. Ouais, voilà. Mais tu sais qu'une fois, j'ai plongé d'une falaise. Allez. Elle se dit si elle avait plongé, ce serait pas fait une eh ben fissure. Eh bah, ben c'est ça. Ouais, c'est ouais ça. Et moi, un jour, on me dit. Mais qui plonge le cul en premier? Mais c'est... moi. Mais attends. Non, mais c'est pas à moi non, que c'est arrivé. C'est une chute. Oui, c'est mais pas tu plonges pas de 5 mètres la tête la première. Moi, si, je ne l'ai jamais fait, mais je pense que ça se fait. Oui, ça se fait. Mon père, il faisait quand ça. Quand il faisait Splash, l'émission de TF1, je vous rappelle. Non, mais il n'est pas mort de ça. Mon père, c'était un plongeur de fou. Il y avait des photos. Il était en saut de l'ange. Mon père, il faisait des plongeons géniaux. Pas du tout. Si, il était trop bien aussi, mon père. Non, mais ça fait trop. Plonger la tête la première, ça fait trop enquête exclusive du dimanche soir là, à Marseille où ils vont récupérer des gens dans des couvertures. J'ai fait 6 fois cette blague. Mais oui, il y avait qui, je me souviens. Ah oui, c'était parce que Ty Chris. De quoi on parle? C'est le gars qui faisait la tour. Lui, il a sauté de la tour Eiffel en l'émission Splash. L'émission Splash sur TF1 à 20h50. Avec des célébrités qui sautaient dans l'eau. Qui sautaient dans l'eau. Et dans le jury, non, ils plongeaient. Non ils plongeaient, ouais. Comment ils ont pitché ça, putain. On peut séparer plonger et sauter parce que. Bah en fait, on va mettre des gens. Non, mais je pense que c'est vraiment, ils se sont dit, bon, bah là, la danse, ça marche bien. Qu'est-ce qui pourrait ressembler un peu. Les claquettes, plonger, c'est trop proche. Ouais, qui pour se foutre un peu de leur gueule et en même temps, c'est un peu joli. Faudrait qu'ils puissent se faire mal, mais sans mourir. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, ça c'est sûr et certain. Un peu activité camping, quoi. Là, je regarde, il y avait Kinvey, Laurie Tillman, Jean-Pascal Lacoste, Evangeli, Daniel Evenou. Ah ouais. Qui est Jean-Pascal Lacoste? On dirait un mix de deux acteurs. C'est Star Academy. C'est l'agitateur. Ah, Jean-Pascal, mais oui. L'agitateur, il a fait. Ah, ok. Bah non, mais pour moi, si tu mets le nom de famille, je sais pas qui c'est. Ah non, si c'est tu JP dis juste Jean-Pascal, je vois qui c'est. Jean-Pascal de la Starac, bien sûr. Okay. Jean-Pascal. T'as pas besoin de mettre de la Starac Non, Jean-Pascal. Mais c'est pour moi, Jean-Pascal Zadi, un peu mis de l'ombre. Non, non, mais personne l'appelle Jean-Pascal. Jean-Pascal Zadi. J'avoue. C'est vrai. Tout le monde l'appelle Jean-Pascal Zadi. Attention, je tiens à dire que c'est pas à lui de le dire. C'est vrai, c'est pas lui de le dire. Gibzad, on l'appelle Gibzad à la limite. Bah, dans la rue. JPZ. Vous faisiez quoi, vous, du coup, de vos mères? Quand vous n'aviez pas des activités extrascolaires, à quoi ressemblait un mercredi? J'ai cru que tu reposais la même question sur ta la WC qui fait, quoi. Bien fou. Un mercredi après-midi de Sophie Marie, là, oui. En fait, parce qu'il était pas pro. Pour ça. Ou, ou un samedi. À quel âge? Non, le soir, samedi soir, à par exemple. À l'âge où ça nique pas l'ambiance de l'émission, peut-être. Bah, demande à Jason. Je vous rappelle que je viens de Mulhouse, mais donc oui, tout est triste. Ouais. Tu t'occupais comment? Outre activité extrascolaire. On faisait du vélo et on jouait au foot, quoi, c'est tout. Voilà, ouais. Très et bien. Et on allait ça. Construire des cabanes dans la forêt. Ah, quand même, tu faisais des cabanes dans la forêt. Ah, bah évidemment. Ah non, mais pas mal. Et là, on pêchait aussi. Ah ouais, c'est vrai, tu pêchais beaucoup. Incroyable, tu pêchais. Comme Hakim Jemili, il disait il faisait des cabanes dans la forêt et tout. Ah ouais. Ça, c'est trop bien. C'est vraiment peut-être que des les Arabes de l'Est de la France mentent dans le floodcast. Non, bah j'ai grandi dans un village, tu voulais qu'on fasse quoi? Mais ouais. j'adore. Pas aller au cinéma, il y en avait pas. Ouais, c'est ça. Wow. Mais tu vois, moi, cabane, vélo, moi j'ai grandi pas dans un village, mais dans une petite ville et j'ai jamais fait ça. Mais il y avait quoi. Bien un terrain vague à côté de chez toi. Ouais, mais nous c'était vraiment zoné quoi. C'est vraiment, je me souviens, on se donnait rendez-vous au kiosque qui était dans le centre-ville et on faisait rien quoi. Non, mais misérabilisme, ça va. Mais non, on se faisait pas chier, on causait. Ouais. Il est vraiment énervant quand il est agressif. Non, mais on faisait rien, mais on mais c'était si cool. Tu veux, on peut rattraper le temps perdu. Hein. Mais tu vraiment t'as envie. Ah ouais, tu peux faire des cabanes, les mecs. J'ai toujours rêvé de faire une cabane. Là, un fort avec des draps et des coussins. Toi, Adrien? Moi, ça dépend. T'allais à Paname ou pas? Parce que t'étais en banlieue. Ah, pas du tout. Ah non? Attends, pas. Saint-Germain-en-Laye, moi. Ouais, ça va. C'est pour ça qu'il est street. Hein. C'est la rue, mon gars. C'est un très beau RER, d'ailleurs. Le R de. Très beau, je sais pas. Non, très beau. Quand tu sors, ouais, c'est beau. Parce qu'il y a le château. Bah ouais. Après, la station en elle-même, ça reste une station de. Non, mais. C'est pas Arts et Métiers, quoi. Ah, c'est Arts et Métiers. Arzem, c'est magnifique. Non, mais on parle de quel âge? Je sais pas, un âge où bon, il y a merde, des notes intéressantes. Précis. Non, mais quand t'étais ado, quoi. Mais non, mais moi, c'était beaucoup ordi, dessin, jeux vidéo, quoi. Ah ouais. Ça. Non, après, j'ai beaucoup d'amis. Hein. Ouais, c'est ça. Si, si, mais après, j'ai eu aussi la période où avec. Il a dit si, ouais. Non, mais. Si, j'en avais, d'accord. Mais oh, ça va, là. Non, mais il y a eu différentes périodes, quoi. Il y a eu aussi la période où j'étais avec mes potes et on traînait. En fait. Mon père, il habitait dans une cité HLM à Saint-Germain-en-Laye, et donc j'avais mes potes de là. Et quand on passait un mur, il y avait une espèce de forêt qui appartenait à personne visiblement. Mais enfin, quand je dis forêt, c'est vraiment un truc boisé dégueulasse, quoi. Oui. Une espèce de dépotoir infâme. Et on traînait un peu là-dedans. Oui, c'est ouais, voilà. Et on faisait ça. Et en fait, le truc, c'est que ils avaient construit des résidences ultra chic Que c'est, ce bois surplombait. Et du coup, nous, on y allait et genre, on défiait les bourgeois, quoi, de notre forêt. Quoi. Mais t'étais Jacques Brel à l'époque. On jetait des trucs, on faisait alors. Tu montrais ton cul aux bourgeois. Super, ouais, ouais. Alors, vous allez faire quoi? C'est ça. Non, mais ouais, voilà. Sinon, ouais, un peu basket, tout ça, quoi. Putain, quelle vie. J'aime bien ces actifs. Quelle vie. Je suis né avec feu, en fait, quoi. Quelle vie. Ouais, bien sûr. Une loi a été votée. Et que seront obligés de faire les gens qui escaladent le mont Everest? Toi qui n'étais pas obligé de faire une vidéo YouTube. Leurs excréments, ils doivent les ramasser. Oh, wow. Très bonne réponse. T'as pas notre temps, en fait. Ouais, ah non, mais là, il a à midi, il part. On va faire un peu plus vite. Question-réponse. Ils ne pourront plus chier sur la montagne. Mais comment tu... Si tu chies, mais tu ramasses, quoi. C'est ça. Comme les chiens. Tu ramasses dans un sachet, genre. Dans un petit sac, effectivement. Ça me rappelle quand je suis arrivée à Paris. Tu faisais ça? Tu chiais. Oui, tu avais un petit sac, d'accord. En fait, je vivais à Saint-Mandé dans un appart où il n'y avait pas souvent les toilettes fonctionnelles parce qu'il y avait une fausse pente. Quelqu'un a fermé la plomberie ici. Ah ouais, faut se prendre, du coup l'eau remonte. Enfin, la mer remontait, l'eau remontait. Ça remontait dans la douche. Ça, tu vois, c'est dommage. Ça gâche une arrivée à Paris. Ça, tu vois. C'est pas dans la série Emily in Paris, par ailleurs. C'est Emily in Saint-Mandé. Elle s'est jamais lavée dans la mer des de mémoire. Je chiais dans des sachets. Ah mais c'est terrible. On a tellement de points communs. Non, parce que j'avais chié dans un sac une fois aussi, moi. J'avais mais toi c'était pour le fun, ouais. Ouais, c'est ça, moi c'était pour le délire. C'était en live sur Twitch, moi. Ouais, la municipalité de Passang-Lamou, qui couvre la majeure partie de la région de l'Everest, a officiellement interdit de déféquer sur la très célèbre montagne. Les alpinistes devront désormais ramasser leurs crottes et les transporter dans de petits sacs dédiés. Nos montagnes commencent à sentir mauvais, à expliquer. Ah ouais, il y a tant de gens que ça qui gravissent les vaches. Ils ont estimé le nombre de tonnes de merde. C'était assez énorme. C'est une cata, je vais tout vous raconter. Nous recevons des plaintes selon lesquelles des selles humaines sont visibles sur les rochers et certains alpinistes tombent malades. Attends, les mecs chient sur les rochers aussi. Et c'est numéro 1 d'ailleurs. Non mais genre, dans un petit coin, les mecs ils chient sur les rochers, c'est qu'ils veulent que ça se voit, quoi. C'est recouvert de... Enfin, il y a de la merde partout, c'est-à-dire que même si tu chies un peu derrière, il y a déjà une tonne de merde. C'est pas cool, hein. Franchement, j'aimerais pas être cette montagne. J'imagine. Mais arrêtez. Ça va là. Donc les gens ils font la fine bouche, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent chier, s'il y a déjà une merde, ils font bon, oh, dégueulasse. Non mais chier ailleurs. Bah, il y a plus que ce rocher là. En raison des températures extrêmes, il faut savoir que les excréments laissé sur l'Everest ne se dégrade pas. Bah oui. Ça congèle, ça gèle. C'est de la pierre. Tu viens de taper ta table, ça fait de la merde. Bah oui. Peut-être ils vont ressusciter dans quelques millions d'années. Ah ouais. Ça va devenir une vague de merde qui va ensevelir le monde. Un golem de merde. Je m'interroge sur ce qu'il y a dans les selles, parce qu'ils doivent quand même pas non plus manger. Tu manges des petites conserves de flageolets, quoi. Donc à un moment donné, c'est pas. La bouffe déshydratée, plus, je pense. Ouais, des petites barres, des trucs. Ça doit pas être cool, hein. Ça doit être, Tu veux dire peut-être des selles pas très moulées? C'est ça que tu veux dire? Ouais. De la chiasse, quoi. On parle de chiasse. Non, partez plus sur la constip. Ah ouais? Ah oui, tu vois, parce que tu chies pas beaucoup. Ah oui, comme... non, parce qu'il y aura pas de problème du coup. Ouais. Mais ils chient plus que de raison. Je pense que ça chie pas mal en altitude. Cette altitude fait chier aussi, ça j'en sais rien, je sais pas trop. Au camp de base où les alpinistes s'acclimatent à l'altitude des tentes séparées de servent des toilettes, mais lorsqu'on monte jusqu'au sommet, il faut faire ses besoins en plein air. Il est habituellement conseillé d'enterrer normalement. Bah oui, bien sûr. De faire. Mais à certains endroits très rocheux et peu enneigés, c'est impossible. Selon l'ONG, Sagarma Pollution Control Committee, il y a environ 3 tonnes d'excréments humains entre le camp 1. Ça fait beaucoup, hein. Et le camp 4, ça fait beaucoup, beaucoup. 3 tonnes, c'est énorme. C'est le prix, j'allais dire. Le poids d'une panda. Non, mais c'est bien de resituer, quoi. Là, je vois tout de suite. La moitié de le 3 tonnes se trouve au col sud, également connu sous le nom du camp 4. Et ensuite, le col sud a une réputation de toilette à ciel ouvert. Ah ouais, carrément. Il n'y a pratiquement pas de glace ni de neige. C'est pas la meilleure réputation à avoir. Vous verrez, je peux me permettre. Donc, quand vous montez, vous serez entouré de selles humaines. Voilà, ce qui n'est pas très. Mais attends, on est d'accord que du coup, Inox Tag, là, qui va faire sa vidéo. Il va ramasser sa merde. Puis il va y avoir de la merde dans tous les plans, quoi. Non, il l'a pas fait encore. C'est quoi? Là, il a fait le Mont Blanc pour s'entraîner. Mais là, il va faire l'Everest, je sais pas quand. Du coup, il va y avoir de la derme dans tous les plans, quoi. Bah, en tout cas, sur le col sud, il y a 3 tonnes. Il y a vraiment 3 tonnes de merde. Est-ce que vous pourriez partir à l'assaut d'une montagne? Est-ce que c'est un défi qui vous donnerait envie? Jamais. Putain, de toute la vie. Par ce truc-là, j'ai un truc à faire, c'est dommage. Hein. C'est ça? Ah non, aucune envie. Tout, non. Mais est-ce que vous êtes déjà. Toi, tout le monde, un défi de aller le Mont Blanc, le Kilimanjaro, où il sert un petit verre d'eau avant de donner sa réponse? Non, je t'écoute. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire? ça m'attire pas plus que ça. Mais moi, bah, je suis pas trop dans le. Peu, quoi. Ouais. Il montrait un petit peu. Ouais. Au milieu, dès que je joue la première merde, je suis en flemme. Dès que j'ai envie d'y être, je redescends. Quoi. Poli, le gars poli. Ouais, non, bah, pardon. Et toi? Non, moi pas du tout. Moi ouais. J'ai même juste fait le. C'est quoi? C'est le vélo. Début de chaumont. L'Etna. Ouais. Ça m'a saoulé. J'ai eu mal à la tête à cause de l'altitude. Non, j'ai fait l'Etna en Italie, le volcan. Ouais, ouais, ouais, et ouais. Déjà, ça m'a saoulé. Après, il fait très chaud. Ça et m'a t'étais en claquette vraiment aussi. Saoulé. Ouais. Non, ah oui. Cela dit, on a pris une gourde pour deux comme d'immenses débiles, donc ouais, on mourait de chaud. Ça fait peu, hein. C'est et t'as chié dedans, donc. Et j'ai chié. On m'a dit, vous savez qu'il y a des toilettes partout. Non, non, mais moi je suis en condition extrême. Laissez-moi tranquille. Et non, j'ai pas du tout kiffé, mais tout, rien ne me plaît. C'est-à-dire que le simple fait de se lever à 4h du matin pour commencer stop, à escalader. Stop, stop, stop. Ouais. C'est genre, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi vous tu lis le programme, lever 4h. Allez. Allez, ciao. Allez. Ciao. Vous m'enverrez peut-être des vidéos. Pour les sandwichs. Mais même pas vraiment, non, non, rien n'est. Parce que les sandwichs, tu peux vraiment les manger partout ouais, en fait. Hein. Dans un pôle, c'est pas à 100 mètres d'altitude, c'est vous avez bien. Vu le film sur les Uruguayens? Ouais, ah oui, le crash d'avion, ouais. Incroyable. Fou, hein. Bah moi, ouais. J'ai pas trouvé ça. J'ai pas. J'ai bien aimé. T'as pas mais... trouvé ça marrant. Ouais, j'ai pas esquissé un seul sourire. Non, non, mais j'ai bien aimé, mais sans plus. Non, mais ah ouais. Ça t'a pas impressionné? Si si bah si ouais, ouais. Bah voilà ouais. Bah, ouais, pardon bah, ouais. Pardon donc t'as aimé on, ouais mais on les voit pas chier par exemple. Non on les voit déjà à peine se bouffer entre eux c'est... ouais mais ah, ça ouais. C'est moi j'ai trouvé déjà. Ça bien fait il y a bah, pas de sensationnalisme sur le truc non on, ils montent bien quand même les petits bouts de viande bien ouais, coupés et tout oui là, mais il y a un sais petit sais délire que... de KFC tu vois tu te dis oui non, ça non, sert t'as presque envie de goûter quoi ouais it's figure eating good j'ai envie de dire moi ça ouais non moi il y a une scène qui m'a vachement impressionné parce que je crois que j'avais jamais vu ça dans un film c'est quand il pète la vitre avec son pied. Et là, en fait, le problème, c'est d'enlever la jambe, parce que du coup, il ouais. Y a du verre dans la jambe, ouais, et ouais. Ça, ça m'a. Ah, ça et le crash mal, en lui-même, ouais. Il fait vraiment mal au ouais, corps. Ouais, ouais, ouais. Il y a ouais. Deux, trois chevilles qui volent, des trucs comme ouais, ça. Ouais, c'est, ouais, assez... c'est assez bien fait. Mais moi, j'ai eu la chance de le voir au ciné, et c'est... peut-être ça a joué aussi peut-être, dans mon kiff. Peut-être, peut-être. Parce que là, du coup, c'est oui, un vrai si spectacle là, de. Sur ouf. Un MacBook 11, c'est fou, hein. Il y a un gars qui l'a. J'ai pris le Ouigo la dernière fois, et bah putain, sur l'iPhone. Tu dis, bon, quand même, ah ouais, là, non. L'iPhone, c'est dommage. Ah ouais? Oh là, c'est dommage. Non, mais là, sur ce film-là. C'est un peu du gâchis, quoi. Il avait du réseau dans un Ouigo à tel point qu'il a pu regarder le film. Peut-être qu'il avait déjà changé. Ouais, c'est quand même bien prévoyant. Et c'est bien foutu, Netflix. En amont, en Benoît Hamon, que j'avais vu dans un Ouigo, justement. Tout se recoupe. Comme quoi, il est proche de ses valeurs. Et il a pas changé. C'est vrai? Je l'avais vu dans un Ouigo. On l'embrasse, il doit bien se marier là-haut avec Coluche et des proches. Il est rue de Montreuil chez Singa. Ah, pardon, excusez-moi. Non, mais est-ce que déjà vous êtes. J'ai fait de la rando moi un peu. C'est ce que j'allais montagne. C'est ce que j'allais demander. Un peu, ouais. Vous êtes rando, un peu. Rando bivouac. Non mais tu vois sur 3 jours quoi. Ah ouais quand même. Tu marches, tu campes, tu repars et tout ça. J'ai ça fait. C'est sympa. Ouais, moi tu vois camper ça m'intéresse pas du tout à la base. Mais c'est rigolo. Depuis que j'ai une petite fille, bah oui. Le délire de camper avec ouais, un enfant. Ouais. Je vous emmène. Mais c'est à cause d'un ça. Avec ma fille plutôt. Non mais je vous emmène tous les deux. Vous avez besoin d'un guide. Avec le camion. Je reste avec ma meuf. Vous avez besoin d'un guide. Si ça dérange pas. Tous les trois en famille quoi. Ne partez pas sans guide. Vous allez chier n'importe où je vous connais. Non mais tu vois il y a des trucs comme ça où bah quand oui. T'as un enfant tu dis ah voilà ça j'en avais rien à foutre ouais. Ça peut-être je peux le tenter tu vois. J'aimerais ouais. Bien moi partir en Suisse italienne avec le camion à Adrien. Bien sûr. T'as un camion? J'ai une camionnette. Putain je suis. Mais aménagée attention. Ouais. Ouais ouais. Ah je suis hyper fan. Ah ouais. Mais bah écoute. Et là c'est pas un photos. Peu. Là c'est full. Oui, option. Alors. Non voilà. Non justement non. Oh. C'est non mais on est quand même. Proche du camping quand même quoi. Bah c'est super mais... tu rigoles. Bah, tu non c'est dedans. Trop bien. Non mais ce que je veux dire c'est pas un truc luxueux machin. Genre il y a une banquette où je peux dormir. Il y a une table. Il y a des mais rangements c'est génial, et tout tu non rigoles. Mais c'est super énorme, déjà. Genre par exemple cet été tu fais quoi par exemple. Je demande parce que moi je comptais vraiment pas t'emmener avec la fille. Donc si tu peux partir avec Jason plutôt ça m'arrange. Non mais ouais non mais je par exemple ma soeur elle habite à côté d'Avignon. Et bah si j'y vais en voiture, je sais que je peux faire une ou deux étapes. Tu vois, au lieu de se taper les 8 heures de non, bagnole, cool, hein. Tu ouais. T'arrêtes, tu dis ah bah vas-y, je dors. Quand tu commences à en avoir marre de conduire, tu regardes ce qu'il y a autour, tu fais bah vas-y, je dors là, bam. Putain, puis l'été, tu te mets au bord d'un. Il a fait 3 km. Tu vois, quand tu vas à Chatou, bon bah voilà, tu fais une petite pause, sandwich et tout, c'est bah, bien. Ouais, et il y a un frigo. Il n'y a pas de frigo, j'ai une glacière quoi. Une glacière électrique? Pas mal. Non, pas électrique. Ah ouais, d'accord. Glacière, donc, glacière. T'as pas voulu investir quoi. Ouais, bah non, mais attends. C'est 45 balles. Hein. Non, mais c'est pas une question ouais. Mais c'est genre. Tu faut la laisser brancher en permanence. Donc ouais. Tu vides ta batterie quoi. Oh là là. Ouais, mais non, mais il est prévoyant. Non, mais il n'y a rien qui est. Après, cela dit, j'ai une batterie, un gros bloc. Un genre de générateur, quoi. Ouais, voilà. Non, mais ouais. C'est ça. Les anciens. Genre, dessus, il y a des prises. Il y a des prises, genre, comme dans les maisons, quoi. Les vraies prises de courant, quoi. Ouais, c'était vrai. Je peux charger des trucs. Flo, il mord de rire. Il y a une prise, jure. Comme si c'était vrai, quoi. Comme si c'était une vraie maison sur des roues. Je suis prêt pour l'effondrement, c'est ça que je veux dire. Ouais, j'ai. Sauf qu'il faut de l'essence. Quoi. C'est le seul le truc. Premier truc qui va manquer. Le truc qui va manquer. Je m'en vais dans la montagne, puis je crève. Tu bougeras plus quoi. Je meurs. Into the wild. Je crève. Je mange une fleur et ciao. Tu te vides de chiasse et tu meurs. Voilà. Une belle fin. Mais quand même, j'enterre. Oui, un respect. Quoi. Un respect. C'est ça. Non, mais sur les vacances, vous êtes plus montagne ou plage par exemple? Est-ce que déjà vous êtes plus activité, faire des trucs ou tranquilloum, on se repose, hôtel? Tranquilloum, waouh. Ça dépend. Là, je reviens du ski là. Ah ouais, oh ouais, non, mais... je suis rentré avant-hier. Val Thorens? Putain, bien ouais. Alors, Val Thorens, j'ai reçu. Thorens. Ouais, Thorens. Wow, ouais, pardon. S'il te plaît. Non, c'est pas. Non, mais. Okay. On se couchera moins bête. En balle. Il y a un gars là-bas. Putain, qu'est-ce qu'on s'est régalé. On a été manger dans un resto. Et le gars du resto, il était arraché à la mort. Et tu sais, le gars qui croit que c'est marrant ce qu'il dit, alors ouais. Que non, et il rigolait à chaque fin de phrase. Oh là là. Et après, il nous a dit, ouais, ici, c'est plutôt Valtox. Oh, wow. Parce qu'ils sont tous bourrés tout le temps. Quoi. C'est ça qu'il nous a dit. Mais il était infernal. Mais alors, qu'est-ce ouais. qui m'a fait rire, putain. Après, ça, il n'a pas dépassé le stade où avant tu fais, allez, ça ne m'amuse plus du tout. Si. Ah oui, quand même. Ah, si. Ouais. Et il l'a même fait à des je sais pas c'était des quoi, bref, il leur a parlé en anglais. Oh là les là. Gens qui sont entrés et j'ai juste entendu la fin. Il a fait oh it's good I'm joking. En fait c'était Philippe Manœuvre. Ah non, mais il était merveilleux. Donc là ski, toi tu vas ski quand même. Bah oui non, ça mais, aime la montagne. Pour répondre à ta question, en vrai ça dépend. C'est à dire que ouais. des fois j'aime bien juste ne rien faire. Ouais. Des fois j'aime bien bouger et faire plein de trucs. Ça dépend de l'envie quoi. D'accord. On sait pas sur lequel Jason on tombe. Exactement. Quand on part en vacances. Ouais c'est ça. Très bien. C'est ça. Toi Sophie Marie? Moi j'aime bien quand c'est facile, tu vois. Ouais. Ouais. J'aime bien avoir une voiture, t'as la bagnole, ouais. c'est confort. Tu fais des grosses courses. Ouais, oh là là. Toujours, évidemment. Évidemment. Tu fais des photos, tu sais, en contre-plongée des rayons où tu vois bien le prix dans une langue étrangère. Là, j'ai très envie d'aller à la Guadeloupe. D'accord. Très, ah, okay. très envie d'aller à la Guadeloupe. Guada. Récupérer tes terres. Mais tu prévois beaucoup en vacances? Ou t'es plutôt, tu te laisses porter ou alors, par le vacances, vent? Ou alors, en vacances, t'oublies tout, plus rien à faire du tout. Bien sûr. Je prévois parce que je suis très parano de la nourriture et que j'ai toujours peur d'être malade. D'accord. Voilà. Car t'as été malade à des moments et... Non, même pas. Pas pour ça. Mais ouais. j'ai déjà fait des intoxications alimentaires. Mais pas. Mais t'as peur en vacances? Oui, voilà. Ok. Et du coup, il faut vraiment que le resto, c'est vraiment important, quoi. Ouais. Je vais pas aller manger dans une cahute des huîtres bon, au soleil, tu vois, par exemple. Non, ouais, non. C'est très peu recommandé. Hein. Ouais. En règle générale. Et tous les trucs genre Pékin Express et tout, genre les gens qui font la Thaïlande en sac à dos. Une dinguerie pour moi. Mais ma meuf rêve de faire Pékin Express. Mais par ça exemple. M'étonne pas. Ouais. Eh oui, ça. Mais parce qu'elle, bah elle ouais, est dans son taf, marrant. Elle est dans le contrôle. Toi, ça te fait marrer, par exemple. Bah oui. Tu pourrais faire Pékin Express. Mais carrément. Ça va pas, ah ouais. Ah ouais. Moi, juste déjà, aller demander aux gens, vous pouvez ouais. m'emmener quelque ah part. Ouais, non, jamais. Quelle folie. Pas eu con encore. Ah ouais, mais t'es pas aventurier. Hein. Ah non, moi, je suis l'inverse. Je sais pas ce que c'est. Ah ouais. Mais ça va être bien ton camping avec ta fille, là, sans guide en plus. C'est resté là, hein. Sans Sherpa, mon pote. Ouais. Vas-y. Après, le camping, moi, j'étais au bord d'un lac en Bourgogne. Hein. Oui, c'était ça. Ah oui, toi, tu parles d'aller dans un camping, en fait. Ah, non, mais d'aller à moins de 5 minutes de chez WAM, quoi. Enfin, tu vois, moi, c'est dans un truc. Ouais, ouais. Non, au bord de l'eau. Par contre, si vous voulez que je vous raconte un peu ma life, de vous. Attends, je suis venu pour ça. J'ai vécu dans un camping, moi. Combien de temps? Pourquoi je suis pas étonné? Ben parce que combien de temps? 4 mois. D'accord. Mes parents étaient donc dans les Vosges et ils sont fait virer de leur travail. Mmh. Et on a dû partir en Alsace chercher du travail. Enfin, eux, pas moi, parce que j'ai 5 ans. Et, oui. En Alsace, rien ne m'étonne. Hein. Et du coup, on a vécu, on n'avait pas de maison, on a vécu dans un camping. Mais attends, dans un mobilhome quand même Non, c'était une tente. Une tente. Ah ouais. Ouais. 4 une mois, grande hein. tente, ouais. On alors, est... au début... À la belle époque quand même, à la belle alors, période. Au début, ouais. c'était rigolo. Ah oui. Juin, juillet, août, septembre en Alsace, dans le Louvre. Aïe, aïe, aïe, aïe. Tente inondée, Mon frère entrait au lycée, ah, ils ont dû tout écoper, ils m'ont mis dans la LN, la voiture. Et tournait une cassette des Beatles, et du coup, je ne peux plus écouter les Beatles. Ah oui, ah, on en a déjà parlé, ça, je me souviens. Oui, oui, oui, c'est ta haine des Beatles. C'est ma. Mais... c'est cette anecdote après, dans ma vie. Eux qui ont viré tes parents, quoi. Donc... ouais. C'est pas vraiment leur faute. Qu'il y ait des gens à te détester, c'est pas eux, quoi. Plutôt l'entreprise qui a viré tes parents. Ou alors, peut-être c'est eux qui ont. Enfin, peut-être tes parents bossaient pour les Beatles. Ouais, on n'a pas tout, on n'a pas toutes les infos. On n'a pas toutes les infos. Mais cela dit, même l'été, ça doit pas être si gaulerie le camping, parce que moi, j'ai souvenir. C'est marrant une semaine. J'ai souvenir qu'il fait très froid la nuit et très chaud dès 6h du mat à cause du soleil. Outre le zzzz. Ouais. Voilà, trois fois. Bon, après, t'as compris. Ouais, quoi. C'est marrant quelques jours, mais après. Ouais. Puis c'était, c'était pas les tentes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, il y a des trucs un peu où t'es à l'ombre. Enfin, là, c'était juste à une moustiquaire. Il y avait ciao. Pas de haut vent. Oui, voilà. Ouais, c'est, non, c'est dommage. Et c'était chiant à monter. C'était pas, pas de double paroi, donc il y a de la condensation. Ouais, c'était terrible. Une tente militaire. Mon père était militaire pendant 5 minutes à 18 ans, parce que sa mère l'avait foutu dehors. Ouais. Et du coup. Il y a quand même beaucoup de monde qui le vire, ce monsieur. Il y a un pattern. Il avait récupéré une grande tente, mais c'était magnifique, hein, tu vois, parce que c'était une tente genre 12 places. Ah donc, oui, il a mettre debout dedans. Ça, ça va, les bourges. Ça va, les bourges. Vous avez mis chacun votre chambre. Tranquille. Et du coup. Aujourd'hui, mon gars a été scout pendant longtemps et il me dit viens, on va camper. Je lui dis plutôt cet hôtel. Ouais, bah, ou alors le caddie à Adrien. Ah oui, voilà. Mais moi, il n'y a pas de place, c'est très petit. Hein. Mais alors donc Flo, tu veux l'emmener avec sa fille. Mais j'ai pas et dit moi... avec mon camtar, j'ai dit en bivouac. J'ai dit. D'accord. Oui, non, il veut être juste Sherpa. Lui, il veut pas Sherpa. Plus. Dire, tu vois ça se mange si tu veux. D'accord. Ça, cette fleur. Et moi, je mange tout. Moi, je suis un débile. Cette fleur, tu te la frottes sur les dents et ça remplace le dentifrice. C'est sûr. C'est inventé par le lobby de dentifrice. Il y a juste besoin de l'eau. Non, ça par contre c'est vrai. Mais j'en ai lu. Paraît-il. Quel nouveau type de soirée stand-up commence à apparaître dans la ville de New York? Alors regarde l'homme, tu peux. On l'a tous vu. Ah, vous l'avez tous vu. J'ai pas vu moi. Les trucs à poil. Bien, quoi? Ouais, ils font du stand-up à poil. Mais tout le monde est nu dans la salle? Alors non, mais les gens scènent. Non, ils disent ceux du public qui veulent se mettre à poil peuvent. Ah ouais, ça j'ai pas vu. Je crois que j'ai vu ça, ouais. D'accord. T'as vu ça aussi? Ouais. Je vais tirer la couverture parce que je vais vous raconter qu'il y a quelques années, quand je faisais du stand-up à l'époque, il y a des fois où j'y allais en slip en disant. Bah, parce que je sais que je suis un produit de niche. Les gougouttes à l'heure? Non, non, quand même en sous-star. Ah ouais, bah c'est pas pareil, pardon. Et je disais. Elle a dit gougouttes. Elle a dit sous-star. Elle a dit sous-star. Il y a eu un. Sous-star, gougouttes. Et je disais, je sais que je suis un produit de niche, comme ça, vous pouvez arrêter de vous dire, mais elle est bonne ou pas, et vous pouvez vous concentrer sur ce que je dis. Et après, j'ai arrêté le stand-up. Pas mal. Ouais, mais c'est vraiment le bon moment pour arrêter. Hein. Mais là bah, t'as volé ton idée. Là, une fois que t'as fait toutes les blagues sur je suis à poil, je me demande si les gens se lassent pas de voir quelqu'un à poil. Enfin, tu vois, il y a un peu un truc genre, oui, bon. Mais est-ce que tu te concentres vraiment sur les vannes? Mais est-ce qu'il n'y a pas un effet genre, toutes les blagues, elles prennent un nouveau profil du fait que t'es à poil, quoi? Ouais. Tu vois, tu fais tes blagues, tu fais depuis 10 ans, mais maintenant t'es à poil, tu fais, ah, c'est pas pareil parce qu'il est à poil, c'est marrant. Cherchons une blague qu'on pourrait faire. Quand t'es à poil? Dis une blague. Dis-nous une blague. Chose que je fais, moi, c'est m'habiller, hein, honnêtement. C'est ça. Non, c'est vraiment. Je vois pas, en fait, vraiment la valeur ajoutée à part l'effet waouh. Oui, ouais, bah, c'est ça. Genre, non, mais oui. Ouais. C'est comme les écoles de téléachat en Chine. Ça n'a pas d'intérêt. Non, en plus, c'est pareil. C'est. Non, mais en plus, je pense pas que le. Oui. En fait, c'est moi, un mec qui arriverait sur scène à poil, qui arriverait sur scène à poil alors que c'est pas prévu. Ouais. Bon, il y a un peu un côté agresseur, mais il y a un côté là, c'est marrant, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais si tout le monde est à poil, tu fais ouais, bon. Ouais, mais là c'est bien, c'est le thème de la soirée, ça s'appelle le naked comedy machin. Moi je pense que c'est juste un comedy club qui il y a à New York, mais comme à Paris ceci dit, il y a beaucoup de comedy clubs. Je pense qu'ils se disent bon bah voilà, on va faire parler c'est de nous. Ouais, c'est ça, ouais. On va un peu avoir un peu la lumière sur nous. Tu travailles sur un prochain là ou tu... Oui, j'ai déjà une petite moitié, ouais. Pas mal. Ouais. Pas mal. Ça arrive lourd, je pense qu'on peut se le dire. Oui, ça arrive. Ben, frère, t'as pas idée. Ah ouais, mais franchement, le spectacle de Jason, je me suis tapé les cuisses à vraiment un bon nombre de fois. C'est vraiment bien. Un bon nombre de fois. C'est vraiment bien. N'hésitez pas à aller voir sur My Canal. Ma cocotte. Voilà. Et de surveiller, parce que si t'as une bonne moitié, peut-être bientôt tu fais des 33 ou des trucs comme ça. Ah, c'est des choses que tu fais prochainement. Ouais. Après, moi j'ai essayé de le voir 5 fois sur scène, il est jamais là. Donc, est-ce que c'est Jean-Claude Roman? Ah oui, je viens de voir Samedi au Sarfati, je prends mes places. Ah bah je joue pas. Ah bon, bah d'accord. Super. Ah, excuse-moi d'avoir des trucs à faire. Hein. Je me contenterai de farine. Et des gosses à nourrir. Hein. T'étais au gala de danse de ta belle-mère. Donc bon, bah c'était trop bien. Qu'est-ce qu'un gala de danse? Comment? Bah c'est tu sais, elle fait de la danse de... Par le salon. Ah ok, ok. Elle fait... Et puis du coup elle avait son petit gala, ma belle-mère, et on était la voir et avec donc, ma femme allée. Et les enfants. Bah oui. Putain, stylé. Bah oui, quand même, ça lui fait plaisir. Non mais t'es un bon gendre, c'est stylé. Moi je crois pas être un très bon gendre par exemple. Ah c'est vrai? Ouais. Ouais, ouais. Toi, t'es une bonne belle-fille. Non mais toi dis. Toi l'invité, moi je t'inquiète, je parle toutes les semaines. C'est toi qui as lancé le truc. Ouais, allez dis. Vas-y, le nul là. Non mais parfois. Non mais je pense que je suis bien quand je suis là, mais parfois je peux dire à ma meuf, franchement, petite flemme d'aller manger chez tes parents. C'est normal. Ouais, mais il y a des gens qui ne surtout tout le temps ravi d'y aller. Et moi, je les aime beaucoup. Elle te propose pas tous les trois jours d'aller chez tes beaux-parents? Non, on est sur une quasi-hebdo. Alors, ah, quand même, ouais. Tu dis non à chaque fois. Non, bah justement, non. Pas du okay, tout. Ok, quasi-hebdo, ouais, c'est beaucoup. Quasi-hebdo, bah, ils sont divorcés, donc c'est fois. Ah, ouais, c'est tu vois, deux. C'est fois deux. Quasi-hebdo, c'est le journal, hein, on est d'accord. Oh là là, quasi-hebdo d'El Paris. Allez. Oh, ouais. Oh oui, ouais, c'est magnifique. Ils se sont encore caressés. Ils se sont encore caressés. Ils pensaient que ça allait passer inaperçu. Quasi-hebdo d'El Paris, franchement, c'est très bien. Il y a une rêve culturelle. Je suis ravi que t'aies marché sur mes épaules pour faire cette blague. Non, mais parce que tu soulèves un truc intéressant. Est-ce que quand on aime beaucoup, est-ce que quand on aime beaucoup quelqu'un, on a envie de le voir tout le temps? Non, pas tout le temps, mais je me doute bien qu'elle proposait pas tous les jours de voir ta. Toi, quelqu'un qui aime beaucoup, t'as envie de le voir souvent? Bah ça, non, ça dépend. Ah, tu vois, je trouve que c'est une question un peu. Non, mais ça dépend. Mais je veux dire, ça me. Tu peux avoir la flemme. Moi, de je voir pense quelqu'un que je vais une fois par semaine. Enfin, je la vois une fois par semaine. Ah ouais. Une fois par semaine, c'est pas non plus. C'est pas énorme. Ouais, ça, ouais, c'est ouais, pas ouais. Si énorme. Non, c'est pas si énorme. Puis elle vient à la maison. Enfin, on... Ah ouais. Un classement est sorti sur les meilleurs personnages de dessins animés de tous les temps. Oh, je vous demande un top. Oh, Sophie Marie. Truc d'incel là, c'est hey, bon. Oh. Intéresse-toi au dessin animé un peu, hein, si ouais. Je peux me permettre. Oui, parce que tu vas peut-être en bouffer. Parce que l'âne trop trop. Moi, j'ai jamais vu Merlin. Il est trop trop rigolo. Mais. Tu lui fais regarder des dessins animés à ton gosse, toi? Un petit peu, oui. Il a quel âge, ton enfant? 6, c'est... Ah, il y en a plusieurs, excuse-moi, pardon. 6, 3. 6, c'est 11 mois. 11 mois, ah oui, voilà. D'accord. Ouais. Oui, 6, ça regarde du dessin animé à Donf. Ça regarde, bon, ça, bah, on... Oui, à Donf, non, mais... Ah, vous faites gaffe, quand même? Ah, oui, quand même. T'as ouais. Réussi à contrôler ça un petit oui. Peu? Oui. Bien, ouais. Bah, sachant que je suis plus fort qu'eux, physiquement, oui. Vraiment, j'arrive à contrôler, ouais. Non, mais, pas, mais parce que moi, je trouve ça pas si dur. Moi, on m'avait dit, attention, les écrans... Moi, la petite, elle est vraiment plus petite, elle a 2 ans. Ouais. Mais on m'avait dit attention les écrans, les machins. Donc on a fait attention, c'est assez facile quand même. Bah oui, oui. En fait, il n'y a pas d'écran, pas de tablette. Bah pas ouais, de c'est ça. Si, si toi t'es pas tout le temps sur ton tel dès que t'es oui, avec elle, elle a pas spécialement oui, envie de regarder. Ou si tu lui donnes pas un iPad, c'est bon. Elle n'atteint pas les objets qui sont placés après, en hauteur, donc c'est bon. Hein. Après, attention, parce que c'est difficile d'être parent, on a peut-être eu beaucoup de chance aussi. Enfin, moi, ma fille, oui, est particulièrement sympathique. Il y en a peut-être des plus relous. Après, c'est vrai que des fois des collèges à 2 ans, c'est quand même. Ouais, c'est quand même balèze. Mais bon, si ton enfant est atroce. Peut-être tu peux céder plus facilement à l'iPad. Je ne juge pas les parents. Moi je pense mais... que tu le fous au Newf pendant 2-3 jours. Carton bleu quoi. Allez tiens. Nous on nous enfermait dans la cave hein. Ah ouais. Bah bon. Oui. Tu sais que moi j'ai souvenir d'une maîtresse d'école qui m'avait attaché à une chaise. Mais je sais pas si je l'ai rêvé. Mais avec quoi? Non je te jure. Mais je sais pas si je l'ai. Vu que j'avais 5 ans degrés. Non mais vu... non, elle avec un serflex 5 ans nuance degré du coup pardon. Non mais t'es, je sais pas si c'était avec un surfplay, mais vu que j'avais 5 piges, ouais. Je sais pas si c'était un vrai truc ou si je l'ai imaginé, puisque ah 5 oui. Ans c'est pas ah, sûr. Ah tu mens. Pardon, je savais pas que tu mentais. Mais non, mais t'as pas ça de souvenir quand t'étais si, petit. Si, bien sûr. Non sûr, mais je sais plus si je l'ai tué ou pas. Ah, je sais pas, je me rappelle pas. Franchement, j'étais fatigué. Dans le doute, laissez-moi en liberté, hein, franchement. Moi je dirais non. Ouais. Je suis le seul témoin potentiel. Vous êtes sûr que vous voulez pas un avocat? Non, pas besoin, je gère très bien. Franchement, je pense pas. Vous l'avez tué. Ça marche pas la confiance. Super. Sale ambiance. Donc non, un top 5 dessins animés de tous les temps. Alors, est-ce qu'on parle de dessins animés télé ou cinéma? Tout. Déjà, je peux vous dire que Mickey n'est même pas dans le top 5, il est 6ème. Bon, il y a Bob l'éponge, il y a Bob l'éponge. Bob l'éponge est 5ème. Voilà, déjà il est dedans. Voilà. Bah, c'est du très connu, attention. Le Roi Lion, moi je le mets. Le Roi Lion n'est pas. Attends, t'es sûr? Ok, il est premier, pardon. Premier? Non, pas du tout, s'il te plaît. C'est pas si bien, Roi Lion. C'est vraiment des personnages. C'est plutôt des personnages de série ou de cartoon. Attends, il y a des trucs de cinéma ou pas du tout? Pas du tout. Ok, donc c'est bien, c'était ma question. Pardon, c'est télé en fait. C'est plutôt télé. C'est plutôt télé. Ok. Martin Mystère. Non. Ah, t'es parti. Il est dans un truc Rémi sans famille. Pas Rémi sans famille. Les Rémi avec. Rémi avec sa famille. C'est beaucoup plus good vibe. Un McDo le truc. Ouais. Rémi qui se met bien. Et le titre de cet épisode. Rémi mais super là. Bien. Et je m'appelle Rémi. Ah, je sais. Je crois qu'il y a, meurt à la fin, Rémi. Je crois de Rémi sans famille. Tom Sawyer. Il n'y a pas Tom Sawyer. Ah, attends, c'est l'Amérique d'ailleurs. Ouais, non, tous les temps, t'as dit. Ouais, donc ça peut être. Tous les temps, c'est plutôt. Alors, il y a des trucs très vieux, mais il y a aussi des trucs assez récents. Le truc. Dragon Ball peut-être. Ah, bah oui, Dragon Ball. Ouais. Non, mais là. Il a dégueulé. Il y a pas Dragon Ball. Il y a pas Dragon Ball. Il y a pas de. Est-ce que c'est d'animation parce japonaise est-ce qu'il... Ah d'accord, un truc non, raciste, non. D'accord. Non. Ah c'est un top valeur actuelle. C'est sur égalité réconciliation.fr. ok, Inspecteur Gadget. Pas Inspecteur Gadget. Bah, quoi La petite sirène. Non, non, non pas. Vous avez vu que le créateur d'Inspecteur Gadget, qui est aussi le créateur des Mystérieuses Cités d'Or. Il est dans un truc de crypto arnaque et genre il est Arrête. Ruiné à Marco fond Mouli. À cause de ouais c'est un peu un délire comme ça. Et il est toi dans... tu regardes d'argent et de sang toi. C'est non pas mal hein. Ouais. Ah moi je suis à fond. C'est vraiment pas mal hein. Putain. Je suis magistrat. Moi. Attends, est-ce que tu as une imitation de Vincent Lindon qui est magistrat? Je suis pas flic moi, je suis magistrat. J'en ai rien à foutre, je suis magistrat moi. Et si par exemple il rencontre Tapi? J'étais sûr. Non. Ah ouais, bon, je l'aurais. Ça, on garde ça pour le Patreon, ça. Bien sûr, à Casse Plus, donner grave de l'argent. Pas les trucs japonais, putain. Il y a un duo. Est-ce qu'il y a. Là, quoi, ça, attention. Tu sais, le dessin des anciens qui fait peur, là, avec un ours. Ah non. Mais c'est pas un dessin animé. Bonne nuit les petits. Ouais. Bah c'est pas un dessin animé. Ouais non, c'est des marionnettes. Ah les Simpsons, les Simpsons. Il y a Homer Simpson, il est deuxième. Ah ouais. Wow. Attends, il y a Homer. Mais c'est le seul dessin animé pour grand un peu. Tous les autres c'est vraiment pour les enfants. Il y a pas les trucs là. Hé, il parle trop fort. Les Razmoquettes. Il va libérer délivrer là. Les Razmoquettes, il y a pas les Razmoquettes. Il y a pas les Razmoquettes. Non, vous adorez ça. Aladdin. Ah South Park. Oui. Non, il y a pas South Park. Aladdin. Il y a pas de perso de Disney. Y a pas c'est que télé en fait. C'est que y a pas de Disney. Hein. Ah oui, c'est que télé. Ça alors. Fait 14 fois que je te le dis, avec micro, sans micro. M'emmerde pas toi. Ouais, non, mais... On peut pas discuter. Vous engueulez pas devant nous en fait. Non, arrêtez, vous êtes potes. C'est trop Attends, mais c'est fou. Attends, y a pas Inspecteur Gadget, ça me rend chèvre. Je vois ça, c'est vrai que c'est pas passé. Ça m'énerve. Renard Chenapan. Pas Renard Chenapan. Tu peux les dire. Ouais, grave. Non. Attends, on va trouver. Le numéro 1, c'est toi, tu veux faire Pékin Express, Manu. T'as pas le mental, mon pote. T'as pas le mental, ouais. Si je préfère faire du stop. Toi, ouais, que trouver. Toi, au bout de 10 minutes, tu chies sur le bord de la route, ça se voit tout de suite, quoi. Ouais, sans ramasser. Ramasse. Ah, okay. Ok, c'est bon. Non, attends, numéro 1, tu dis, c'est. C'est culte, quoi. C'est huge. C'est. Y a Mickey, il y a Donald, et il y a d'autres. Ah, bah, c'est les. Mais c'est pas un Disney. Les casse-flotteurs. Ah, ouais, les pas les casse-flotteurs. Oui, les rap tout, t'allais dire. Ah, oui, c'est Tom et Jerry. Tom et Jerry sont quatrième. Alors. Comment. Taz. Ouais. Taz. Alors c'est, y a pas Taz, mais y a un personnage. Bibi Pay le coyote. Non, mais y a un personnage. Tu veux que je redevienne fou en fait. Bah, lui il est à fond. Lui non, est, voilà. Excuse-moi. Ah, mais le personnage des Looney Tunes, il est numéro 1. De quoi? Un personnage des Looney Tunes. Bugs Bunny. Bah, il veut pas jouer. Il a toutes les bonnes réponses. Regardez le souci. Allez, venez, on continue. On l'a chopé. Venez, on fait le top 100. On l'a chopé. Demande à ChatGPT le top 100. J'adore Bugs Bunny. Ah bah bien sûr. Ah bah j'adore. J'avais la VHS. C'est un peu un frérot. Ouais, c'est un peu un frérot. C'est vrai. Il y a eu une mode d'ailleurs dans les années 90 où d'un coup les Looney Tunes c'était très hip hop. Genre ils étaient sur oui, plein de t-shirts avec des casquettes à l'envers. Après Space Jam, non Space Jam. Il y avait un truc autour de Space Jam. Bah, bien sûr. Les pubs Adidas. Ah, ils ont pris une street cred après Space Jam. Ouais. Pour moi, ouais, Disney c'est ce qui fait que c'était pour les bébés. C'est devenu alors un peu la rue après. De toute façon, c'est devenu. Bah c'est quand Daffy dealait déjà. Daffy a dealé énormément. Il a sorti un EP Bugs Bunny et tout. Il a dit les gens alors, sont pas prêts. Pardon, alors là, excusez-moi. Bugs Bunny a sorti un EP. Moi, j'avais le rap. Avec Tony Parker, non? Non. Je crois que tu confonds avec Booba. Mais si ça n'existe pas, on va le faire. Mais attends, mais il n'y a pas un. Avec les IA, on peut faire ça. Le rap de Bugs Bunny, attendez. Parce que je vais vous le trouver. Hey, Mr. Bugs! Quand Bugs Bunny est au platine, ça groove. Hey, Mr. Bugs! Le premier tube extrait de l'album de Bugs Bunny. Bugs Bunny B, ouais, ça passe. j'ai cherché une. Vas-y, ça passe. Cherché une rêve plus récente. Bugs mais j'ai Bad Bunny. Oui, beaucoup mieux. Oh, bien voilà. Sûr. Ouais. C'est rien pour moi, c'est que dalle. C'est vrai que c'est rien du tout pour toi. Donc vous, ça regardait pas de dessin animé quand t'étais enfant. Toi, tu détestais ça, Sophie Marie. Non, mais nous, on était dehors. Ah ouais. On oui, il y avait pas de télé dans la tente. Ouais. Non, je regardais pas beaucoup de dessins animés. Non, c'est pas honnêtement. On jouait beaucoup dehors. Hein. Oui, voilà, c'est ça. On faisait des trucs dehors. Ça va, Tom Sawyer, là. Et d'ailleurs, bon, ça va être un peu cafard. Mais nous, on jouait dans un bunker. Ouais, logique, ouais. Et j'étais trop petite, j'arrivais pas à remonter. Un jour, on a dû venir me chercher. Ouais, le coup. Parce que j'étais. Et c'est les Allemands dedans. Qui t'ont récupéré. Ouais. Bah, du coup, j'habitais vraiment à la frontière, donc il y a moyen que ce soit des Allemands qui se promenaient, qui sont venus chercher. C'est comme ça que Batman est créé, hein, je te rappelle. Donc, ça, tu peux devenir le Batman. Il est tombé dans un trou comme mais ça. Qui dit quoi? Quoi? T'es Batman? Bah attends, ah, parce qu'il y a des origin stories de Batman, il y en a 12 000, j'ai l'impression. Dans le film Batman, ses parents se font abattre. Oui, quand même ça, sur tout ça. Le, oui, mais le la truc. Chauve-souris, elle vient d'où? Tu crois qu'elle était. C'est la chauve-souris qui a tué ses parents? Non, mais il moi est j'ai tombé dans un malfrat. Trou, un malfrat. Ouais. Et donc il tombe dans le trou, et c'est là où il y a toutes les chauves-souris, et c'est comme ça que c'est. Ah, chauve-souris, Batman. Ouais, mais j'ai vu une version où c'est genre ses parents ils se font tuer et il y a des chauves-souris qui passent. Ouais, j'ai l'impression mais ça, qu'il y a ça, c'est. Ils ouais. inventent ça, les mecs. Ça, moi j'y crois pas une seconde. Franchement, ils inventent, j'ai l'impression. j'y crois pas une seconde. Pas une seconde. Ah, ça, c'est des trucs de conspi, ça me plaît pas du tout. Selon un sondage Opinionway, ouais. Pour quelles raisons les meilleurs déjà. 71% des Français se sont déjà disputés, 42% ont déjà hésité à quitter l'autre, Ikea. Et 17% ont quitté l'autre. Pour quelle raison? C'est la même raison ça. C'est la même raison. Waouh. Pas mal quand même. Une autre bonne femme. Non. Choisir la série Netflix à regarder. 17% qui quittent l'autre pour une autre bonne femme, je pense que c'est peu. C'est une raison qui est. Je pense que. Ouais. Trop mignonne. Tu peux monter à 80-90. Je pense que c'est ça. C'est pas une série Netflix à choisir. Mais c'est un truc un peu de vie quotidienne. C'est mais est-ce un que truc. C'est un machin qui. Les tâches ménagères. Manger. Pas manger, tâche ménagère, j'attends une réponse plus précise que ça, Adrien. Faire la vaisselle. Faire le manger, faire à manger. Le ménage. Non, sur la vaisselle, on est encore plus proche que ça. Nettoyer, enfin essuyer. Ah, laisser les trucs dans le lavabo. Non, ne pas essuyer la vaisselle. Alors, c'est un peu tout ça, c'est mal ranger la vaisselle. Ok, waouh. J'avoue, ça rend fou. Alors, c'est évidemment, vous savez, les instituts de sondage. Mal rangé ou pas rangé, j'imagine. Oui, voilà. Ouais. Mais les instituts de sondage, vous savez, c'est toujours commandé par des trucs. Qui sont intéressés par, par des féministes là. C'est non. Pas, c'est ça, ouais. C'est la marque de produit Sun, donc c'est pas ouais. vraiment ça. Ah ouais. Et le cabinet ouais, okay. de sondage, cette enquête dévoile des statistiques inattendues illustrant à quel point les activités ménagères, notamment la gestion du lave-vaisselle, peuvent jouer un rôle significatif dans la vie à deux. Alors, autre. Après, il y a peut-être aussi, ouais, t'as mal rangé la vaisselle et tu m'as trompé. Ça ouais. Mais ça, c'est un truc auquel je pense souvent sur Nabila. Je me dis, parce que Nabila, elle a poignardé son gars ouais, ouais, ouais. et ils sont encore ensemble. Ouais. Moi, je sais que quand je m'engueule avec ma meuf, des fois il y a des trucs du passé qui reviennent. Quand t'as poignardé ton gars, tu perds toutes les disputes, c'est pas possible. Tu, vois, c'est tu peux le ressortir. Ouais, t'as mal rangé la vaisselle. Tu m'as poignardé, souviens-toi. Souviens-toi le coup de couteau. Ok, c'est vrai, je vais faire les lasagnes. Okay. J'entends, je vois où tu veux en venir. Ouais, Sophie Marie, elle est pas d'accord. Elle a poignardé, t'as poignardé. dans ton bunker là, t'étais pas tout seul. Elle a pas voulu parler des mercredis après. Elle a marché sur le corps lors d'un petit copain pour. C'est vrai qu'on dit. Vous savez que Sophie Marie. Pas poignardé. Non. Pas poignardé, poignardé. Poignardé un peu, mais rien. Quand t'étais bien coincé méchant. Dans ton bunker, t'as mangé un petit camarade. Au bout de 5 minutes. Non, mais j'étais minot, le bunker, j'étais toute petite. Elle peut encore utiliser le couteau. Non, pas sûr. Non, mais je m'interroge sur ce que je. Moi, c'est un truc que je déteste quand on revient. Sortir les doses. Ah, c'est horrible. C'est ah bah, bon, frérot. Ouais. C'est passé, c'est quoi. C'est immature. Ben ouais. Quand c'est cassé. Ben ouais. Vous écoutez pas Ado FM, vous. Laisse parler. Attends, chaque moi, fois, j'ai un petit truc à génie. Faire. C'est dommage. Petit génie, c'est vraiment dommage. Hein. Bah, un gala de danse à aller voir, quoi. Ouais, ben, tu serais surpris. Il y en a 5-6 par semaine. Hein. C'est vraiment, elle danse beaucoup. Hein. Non, mais c'est. Moi, je suis d'accord avec toi sur le principe, mais des fois, ça revient. Les plaies sont pas forcément refermées. Mais toi, t'as une engueulade ouais, mais... vénère avec ton gars. Bah, surtout quand tu te fais poignarder. Ouais. C'est ça. Alors, moi, je ne reviens pas sur le passé. Lui, oui. Ah oui. C'est pour ça que c'est ténèbre. Voilà. Mais moi, je me tiens. Toi, tu vas de l'avant, toi. Ouais, mais je me tiens. Après, mais peut-être que lui, il a rien fait. Et il me dit, c'est hideux parce que tu dis des trucs que tu penses. C'est hideux. Tu dis des trucs que tu penses, ouais. Bah, et je dis, bah oui. Alors, c'est méchant, mais je les pense. Et lui, il dit des inepties, tu vois. Qui pense pas du tout. Des Benjamin inepties. Décidément. Voilà, mais donc, non, mais moi, j'aime pas. Inepties seul. C'est quoi les règles au sein de ton couple, par exemple, Sophie-Marie, sur ce genre de choses? Wow. Ce qui se passe à Pantin. Non, mais par exemple, il y a plusieurs teams. Tu, genre, toi, plutôt manger, plutôt vaisselle, ou alors c'est vraiment. Tout le monde fait un peu tout. Tout le monde fait. Bah alors non, il va écouter ce podcast, vraiment, il va appeler le SAV. Lui, il fait vraiment l'annulation du flot. Lui, il fait le ménage. D'accord, très ménage. Je saurais à peine pas où est l'aspi. D'accord, ok, c'est pas ton truc. Ben, disons que je le fais 4 fois par jour, donc. Mais c'est une autre, ça, c'est autre chose. Attends, il fait le ménage 4 fois par jour. Il le fait très mal, hein. Mais vous... ça, ou alors vous tenez une écurie. C'est... On a dit dans les toilettes, putain. Ok, il y a des petits sacs plastiques, mais ça veut pas dire que. Et moi, je fais à manger. Souvent, toi, je fais à manger. Attends, alors, un petit cordon bleu. Il est cuistot, non ? Non, il va tenir un resto. Ah, il est entrepreneur. Oui. Il a pas foutu les mains. Entrepreneur. Mais ceci étant, ça, c'est des règles qui sont des fois un peu difficiles parce qu'il y a des gens. Par exemple, ma meuf a une plus haute tolérance au pas rangé, j'ai pas le mot, désordre. Ouais. Vois, c'est-à-dire que moi, vraiment, les télécommandes sont pas bien foutues. Je peux t'as pas le mot, c'est que vraiment, elle le tolère très très bien. Et moi, je suis beaucoup plus relou, par exemple. Je passe pas à l'aspicateur d'argent, mais tu vois, je peux vite faire. Oh là, c'est le bordel cet appart, alors que pas tant. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis un acteur de théâtre. Oui, oh là là, mais qu'est-ce qu'il se passe? Je suis Francis, je vais faire un malaise. C'est Francis Hussler. Francis Hussler, vraiment. On revient toujours à Francis Hussler. Mais moi! Putain, j'ai tourné avec lui, il m'a raconté toute sa life. En fait, il est arrivé. Il s'appelle pas du tout Francis. Et on m'a dit, ne le regarde pas dans les yeux. J'ai juré. C'est son dresseur qui a dit ça. C'est un T-Rex. Attendez. Je vais demander le silence sur le plateau. Je vais faire rentrer Francis. Je vais juste ouvrir la porte de la cage. Ouais. Ah, c'est marrant. J'ouvre la porte de la cage. Il sort quand il a envie. Et avec le premier qui dit allez, on est prêt pour y aller. C'est quand vous voulez. Des fois, j'aime bien notifier. Fait, est... j'aime bien. Il est entré au HMC, donc là où on se fait maquiller, préparer tout le bordel. Et il a commencé tout seul. À ronronner. Une histoire. Alors, est-ce qu'on m'entend là, si je dis comme ça, ouais. C'est pour faire l'effet. De Francis Hussler qui rentre et dit « Mais sur ce plateau de télévision, là, un bonhomme qui venait dire comme quoi les femmes n'avaient pas le droit, mais elles ont le droit de vote, les femmes !» Ah ouais, wow. Il est à ce niveau-là de féminisme. Ouais. Il est engagé, mais il y a longtemps, quoi. Et en effet, il a soliloqué pendant un bon 20 minutes. Vache. Oh, le soliloqueur. Un gros soliloqueur. Ah, ouais. Chers amis, ça fait déjà un petit temps qu'on parle. Ah ouais, et oui, donc on va bientôt passer aux recommandations culturelles. C'est vrai que je t'ai pas du tout prévenu, Jason, mais s'il y a un truc que tu as aimé récemment, que ce soit un film, une série, un album, un concert, du théâtre, un humoriste, de n'importe quel pays. Et c'est pas forcément un truc récent, hein. C'est un truc que t'as kiffé récemment, mais ça peut être, si t'as découvert Mad Max 2, tu peux conseiller Mad Max 2, oui, tu vois, tout est possible. Passage à Montreux. Le film sur la Cordillère des Ondes. Voilà, c'est ça. T'as ça qui t'a déjà un peu grillé ton truc. Ouais. Ouais. Tu peux en c'est trouver le nom un du podcast. Cordillère des Ondes. Oh là là, les rats. On est ensemble jusqu'à 4h du matin, encore d'hier des ondes. On va manger un des co-présentateurs. Adrien Méniel. Ouais, alors putain, moi régale-nous. C'est vrai qu'il faut dire la vérité aux auditeurs. On en a enchaîné deux très très peu là de Floodcast, donc c'est vrai qu'on a pas eu le temps de bouffer beaucoup de culture. Non, mais j'ai en fait mon dilemme là, c'est que j'ai une reco, elle est extrême, c'est un petit jeu qui est trop bien mais très dur à expliquer. Donc je vais essayer de l'expliquer pas trop en détail parce que je vais m'embourber. En gros, c'est un jeu, c'est sur téléphone. Ça s'appelle Wavelength, donc ça veut dire longueur d'onde. Bien justement, sûr, on y revient. Plasticien du son. Tout à fait. Et dealer de Zouk aussi. Oui, Marival. Oh, j'aime bien quand ça cite Marival et pas laisse parler les gens. C'est que là, on est sur des vrais mais non, de vrais. Bah oui, non, mais voilà. Laisse parler les gens. On s'en fout. Oui. Bon. En parlant de laisser parler les gens, je vais continuer. Non, et donc en gros, le principe c'est. Je vais donner un exemple. Non, de mais laisse-le, il prend son temps, il a bien raison. Attends, tu fais une tête là. Et si j'explique et que c'est pas clair, t'aurais fait. On comprend rien. Et puis, donc, c'est vrai que je marche ça, sur des œufs là. Mais c'est vrai. En gros, je joue avec toi, Sophie-Marie. Oh. Donc moi, sur mon téléphone, j'ai un arc de cercle qui est un spectre, en gros. C'est-à-dire que... par exemple, imaginons le thème du truc que je dois te faire deviner, c'est... Si le curseur est tout à gauche, c'est mauvais acteur. Si le curseur est tout à droite, c'est excellent acteur. Et sur ce demi-cercle, de façon aléatoire... à une position aléatoire, il y a une cible qui apparaît. D'accord ? Une position de curseur, en gros, qui apparaît. Mmh. Et en gros, moi, je dois te donner un indice donc te donner un nom d'acteur qui, selon moi, est à cet endroit sur le spectre. C'est-à-dire, par exemple, si c'est genre à une certaine position, je dis bah ça pour moi c'est Francis Huster, tu vois. C'est un bon acteur, mais en même temps, selon pas moi, pas très rigolo non plus. Il est féministe des années 60. Donc je dis bah vas-y, je lui mets comme indice Francis Huster. Et après toi, c'est à toi de jouer et tu dois, tu as juste le spectre avec mauvais acteur à gauche et à l'autre extrême très bon acteur, et t'as l'indice Francis Huster et tu dois selon toi placer le curseur, et le but c'est qu'on place le curseur au même endroit, au même endroit. Et c'est un truc de genre pour donc voir si on est sur la, ça se joue à deux mais ça se joue jusqu'à 10. Ok. T'imagines, joue... je crois que 2 alors... c'est déjà pas mal. 2 hein. C'est pas mal. Non, et, deux, c'est énorme. Et évidemment, à chaque fois, le thème change. Donc, c'est, des fois, c'est, ça peut être surcoté, sous-coté, dur à faire, très facile à faire, etc. Et la position, de, évidemment, et... du curseur change à chaque fois. T'as et toi, des tu joues avec qui bah, moi, j'ai joué avec, la, avec Clara, la meuf de Florent, c'est et on a fait un excellent score. Oui, j'étais le premier surpris. Mais oui, oui. Bah, oui mais ce... À ta décharge, c'est très dur d'expliquer les jeux. C'est très dur. Mais, moi, compris, mais là, hein. J'ai envie d'avoir un 33-10, si tu veux. La plage, n'ai... T'as pas compris, toi ? Si, j'ai compris, mais c'était trop long, laborieux. Bon, mais après, ouais. C'est dur d'expliquer non, le Uno. C'est très dur. Et moi, en vérité, Clara m'a expliqué. J'ai pas trop compris et il faut jouer pour oui, comprendre. Bien sûr. Non, non, mais Jason, il a compris. Excuse-moi. On est des débiles. Non, non, moi, je trouve que j'ai très bien expliqué. Mais en gros, c'est un jeu pour savoir si t'es sur la même longueur d'onde, justement, avec quelqu'un. Ah et voilà. Alors, il est là, lui. Et selon, selon la. Il a vraiment commencé par c'est ça. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a... commence par ça, enfin. Ah, donc c'est sur un téléphone. Dis-le, peut-être. Non, et du coup, selon si tu places vraiment au même endroit, tu marques plus ou moins de points. Si tu mets le curseur exactement au même endroit que là où est le, ouais. La cible, tu marques 4 points. Si c'est un peu décalé, 3 points. Si c'est encore plus décalé, 2 points. D'accord. Et il y a des manches comme ça qui s'enchaînent. Chacun donne 3 indices avec des thèmes différents à chaque fois. Et franchement, c'est trop bien. Voilà, Wavelength. Et alors, j'ai vu qu'il y avait une version. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert le jeu. C'est qu'il y a une version physique qui existe, genre jeu de société. Quoi. Ah, ouais. Pas mal. Pas mal, ouais. Pas mal. Mais et j'ai vu des gens. Avec un deck. Hein ? Avec un deck. Avec un deck de cartes, ouais. Non, j'ai vu des gens qui jouaient à ça sur TikTok. Et j'ai dit, ah, pas mal. Et dans les commentaires, quelqu'un disait, ça existe sur téléphone. Et j'ai dit, bah, bien mieux. Ah, c'est dingue. Toi, t'es vachement mieux. Connecté quand même. Ouais, ouais, mais il connecté, est très bon en petits jeux. C'est un, ouais, il est curateur de petits jeux. Ouais, et ouais. Pas que, hein, d'ailleurs. J'ai maté le documentaire sur Where the World que tu as conseillé. Et c'est vrai que c'était cool. Ah. C'est, t'as un peu dit les meilleurs passages. Pas que, genre, oui, je consomme d'autres trucs aussi. Non, tu es de bons conseils sur ouais. D'autres choses que des jeux vidéo. C'est cool que tu le découvres après 10 ans d'amitié, mais. Mais vous êtes amis dans la vraie vie ? Bah apparemment, apparemment bof. Sur le jeu du spectre, on a une cata. Sophie Marie, quelque chose que tu as aimé récemment ? J'ai regardé il y a pas longtemps une série qui s'appelle Lessons in Chemistry. D'accord. Et qui est une super série. Super. Avec une meuf qui est chimiste dans les années, allez, 50-60, un truc comme ça. À l'époque, ah, où oui, c'était j'ai pas. Voilà. Et en fait, tout le monde. Puis elle a un cancer. Et... Non, franchement, elle est super positive la série. Personne ne la prend au sérieux en tant que chimiste, évidemment, parce qu'ils disent parce que c'est Francis Huster qui gère le labo. Ils lui disent tous va me faire un café, alors que vraiment, elle est, c'est une craque, quoi. Donc, Ellipse, elle finit par un tas de circonstances, par faire une émission de cuisine. Où en fait elle explique la cuisine par la chimie, okay. Et ça fait plein de... Eh, c'est pas l'inverse, elle explique pas la chimie par la cuisine. Non. Attends, redis. Elle explique la chimie par la cuisine ou les la cuisine par la chimie. Les gens qui lisent sur les lèvres, ouais, qui font le. Mais je crois qu'il a raison. Visuel. C'est pas ça. C'est je la. Sais pas. Bon, elle explique. Elle fait, vie, elle fait de la chimie. Chimie de la vie. Chanson de Goldman. Enfin, en tout cas, voilà, Lessons in Chemistry est très très bien. Putain, Goldman, bah c'était ça que j'allais. Le dernier Goldman. C'était ma recommandation. Tu sais où est-ce que tu as trouvé cette série ? Non, mais je peux regarder moi. Oh là là, attends. Dis Jason et dis ta reco et moi je. Très bien. Regarde. Jason, quelle est ta recommandation culturelle ? Bah, ça va pas être très original, mais en ce moment, je regarde Les Sopranos. Ok. Oh, bah ouais, parce que j'ai jamais regardé. Ah ouais. Tu découvres. Je découvre. C'est extraordinaire. Et je suis ouais, c'est quand même super, hein. Incroyable. J'ai mais c'est beau que tu te sois lancé aussi tard. Moi, j'y arrive pas parce que je trouve. C'est comme c'est comme un Mont Everest plein de merde. Je me dis, c'est trop haut, tu vois. Et non, écoute, j'ai été. Tu bouches le nez puis tu vas. Et donc, t'as tout maté. Non, j'ai pas terminé encore. Ah, t'as pas la fin. On a pas beaucoup faim. C'est quand je regardais Les Sopranos, je me prenais pour Tony Soprano. C'est génial, il est trop marrant. Ouais. C'est fou parce qu'il me fait, ça me fait, ça me fait beaucoup rire, genre. Ouais. Ah oui, c'est drôle. Hein. Extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Sa gueule, elle est super. Tu sais, son petit côté con. Oui. Il est génial, franchement. Il a un gros poupon un peu. Il est très ultra violent, quoi. Ouais. C'est ça. Il est super. Un mec génial. Franchement, c'est un mec en or. R.I.P. James Gandolfini. C'est ça. Et ça, c'est dispo, je crois, sur le Pass Warner d'Amazon ou un truc comme ça. Non, je l'ai acheté sur MyCanal. Ah, tu as acheté? Ouais. Oui, c'est ça. Tu peux aussi l'acheter, mais il est sur. Tu peux le trouver en streaming sur des trucs comme ça. Ah, peut-être. C'est une série qui date. Mais c'est génial. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, allez-y. Ouais. Et sinon, Apple TV, Listening Chemistry. Ah, très bien. Okay. Très bien. Apple TV qui fait partie du pass MyCanal. Enfin, si vous avez MyCanal, vous avez Apple TV. Non, mais je vous le dis. MyCanal, faites-nous un chèque en fait, vous parce voulez... que là, on vous a fait ça. On a parlé que de ça. Vous voulez une anecdote mignonne? Mais bien sûr. Francis Huster, par contre. Avec une série que j'ai fait qui s'appelle Des gens bien ordinaires, bon, bah, il s'avère qu'on a gagné un Emmy Award. Pas mal déjà. C'est pas du mal. Coup, pas mal. Fin de l'anecdote. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vraiment. Genre, il y a une suite. Et, en fait, je reçois un mail de Canal qui me disent il faut qu'on prenne contact avec vous. Genre on va vous mettre un siège là-bas, quoi. Et bah, pas du tout. Ils me disent vu que vous avez. Vous êtes un talent Canal. Ah, ils t'ont fait le truc pendant un an? Exactement. Putain, ils m'ont envoyé le mail, j'ai pas répondu encore. Mais non. Ah ouais. Faut que je. Mais comme j'ai déjà MyCanal, est-ce qu'on peut l'offrir à quelqu'un? Moi j'ai dit oui, prends, bah tu te prends. Hein. Je l'ai donné à mon père, il est fin. Tu payes. C'est qu'est-ce que je veux faire? Ouais. Bah oui, mais tu payes. C'est qu'est-ce que je veux faire? Oui, je paye moi, mais là ils m'ont offert un an d'abonnement, donc je vais le vendre. Bah oui, je vais le donner à quelqu'un. L'offre à quelqu'un. Ah oui. Ok, mais tu pourrais le prendre pour toi. Oh oui, et mais pas payer. Bon, mais non, parce que t'es déjà abonné. T'es déjà abonné. Faut se désinscrire. T'es Canal, c'est comme le sport. Je crois. Il peut pas juste passer ton abonnement en gratos pendant un an. Pour désinscrire, c'est quasi le service militaire. Ouais, c'est ça. C'est mise beaucoup sur notre flemme. Moi, je pensais juste qu'il pouvait prendre ton abonnement et dire claque gratuit pendant un an. Ça. La vie, c'est pas si simple. La vie, c'est pas on prend un camtar. Les gens qui font un cadeau et qui te donnent le ticket en disant si t'aimes pas, tu peux le changer, quoi. Bah après, il peut pas deviner que t'es abonné à MyCanal. Mais effectivement. Et toi? Cela dit, moi, pardon, juste pour rebondir, j'ai écrit quand même 2-3 trucs pour Canal. Je n'ai jamais rien eu. C'est fou. La flamme, le fourneau, merde, on a fait un peu de vue. Parce que auteur, on s'en bat les couilles. Ah oui, c'est ça, pardon, c'est ça, tu as oublié. Oui, j'étais auteur de chez oublié. D'ailleurs, vous étiez en face, non? Avec. Enfin, oui, on était en face. Mais t'as fait plein de trucs, toi. Ouais, 2-3 trucs. Je savais pas. Mais on était en face, mais c'était sûr que ça allait rien gagner, le flambeau. C'était un remake et tout, c'est sûr que vous allez gagner. Moi, j'étais persuadé que c'était vous qui allez gagner. Moi aussi. J'étais persuadé. Mais toi, c'est ton mindset. C'est ton mindset de toujours. Mindset bunker. Oh là là, pas mal. T'es mindset bunker. Si tu veux faire un EP, c'est juste par rapport à ton histoire. Ah ouais. Oui, oui. Ah, c'est mon nom. Mindset bunker, non, mais bien. Le nom de l'EP, quoi. Mindset bunker. Bah j'adore. Tu vois, c'est pas si mal. Okay. Vraiment, t'es passé d'un profond dégoût envers ma personne. Parce que les gens ont pas eu ton expression, mais bizarrement, même à l'audio, elle a vomi. Ouais, ouais, le mépris s'est entendu. Elle a réfréné un vomissement, comme un prof. Et après, t'es passé de j'adore. Ce qui est souvent, les gens qui me rencontrent pour la première fois font ce chemin. C'est le chemin vers c'est rare que ce soit des gens que je connais depuis longtemps. C'est quelqu'un qu'il faut prendre le temps de savourer, quoi. C'est vrai. C'est au début, point. Ça pique un peu, ça pique un peu, et après tu fais en fait j'aime bien. Voilà. L'arrière-goût il est sympa. Il est sympa. C'est voilà. Comme une ascension de l'Everest, quoi. Le chemin est compliqué, une fois que t'es arrivé, c'est. Oh, c'est magnifique. Il y a une belle vue, ouais. On va faire un dernier petit tour de table avant de se quitter. Sophie Marie Laroui, là, il y a un projet qui arrive lourd dans la vie perso. Ah oui. Donc forcément ça va pas tourner vite, mais comme je disais, il y a des. Ah oui, il y a ça, vrai. J'avais zappé. Mais effectivement, il y a des films qui sortent. Oui. Et voilà, et tu travailles sur des trucs de ton côté et ton avec podcast. Francis Hessler, donc. Ouais, c'est ça. Et le podcast qui continue. Ah, le podcast. Quelle dinguerie ce podcast. Je l'adore. Ah oui. Plus je le fais, plus je l'aime. C'est ça. Voilà. Et après, le plan. On rappelle le titre quand même vite fait. À la recherche du ton à la catalane. Bien sûr. Ouais, vous l'avez fait en harmonie. Bah ouais, attends, ça fait 2 heures qu'on bosse. Là. Mon rêve. Like a dream, bien sûr. C'est d'événementialiser ce podcast. Ah, de le faire dans des supermarchés. Voilà. T'es en train de manifester là, tel que je te vois là. Et de se manifester. Okay, appelle-moi. Ah merde, comment elle s'appelle? Du truc du scum manifesto, c'est ça? Ah oui, non, c'était pas. Oui, bah toujours, mais non, c'était pas ça que je parlais. Bon, qu'importe. Oui, voilà. Oh, t'as son, ça. Mais je vous invite à écouter à la recherche dans la catalane. Bien sûr. Des trucs lourds à venir. Non mais pour vrai en plus franchement. Non, mais parce j'ai que juste un mot pour toi, un manifestoche. Ça t'intéresse ou pas? Ouais, j'ai déjà, ça nous plairait. Elle adore les mots de toute façon. Elle c'est adore un les mots. Moi, je suis amoureuse des mots. Amoureuse des mots. Non mais j'invite les gens à écouter parce que sur le papier, moi quand tu vois pas, tu fais oui c'est un peu de l'ASMR supermarché. Moi qui déteste l'ASMR, oui, j'adore ce podcast. Non mais c'est ouais, pas ouais. ça. C'est beaucoup plus gros que ça. C'est il y a vraiment un côté sériel. Il y a vraiment un côté on voyage. Si vous avez grandi ou même si vous vivez dans Sériel Lignac. Bon allez, moi j'arrête ce podcast. Combien un peu de la boue. Jason. Donc cette série. Cette série qui, ouais, sort, qui vient sort de sortir, là, qui est sur MyCanal, ouais. que tu as fait avec mais plein de gens super. Elle est bien cette série. Comment on peut la résumer? Ouais, t'as l'air déprimé quand on parle. Non, mais ouais, ouais, c'est, de vie de garçon. Moi, c'est mon premier rôle, donc je suis un peu content quand même. Ouais. Bah oui. Et c'est fait avec des gens ça que se tu voit connais d'ailleurs de ouf copains. Que t'es content. Mais moi j'exprime très peu, tu sais, j'extériorise peu. Bah t'es un homme. Ouais, bah, c'est un peu ça, ils s'entraident, tu vois. C'est ça. En gros, c'est 5 mecs, leurs potes chez des morts et passent la nuit ensemble avant l'enterrement. C'est ça. Génial. Ah, trop bien. Parce que ça s'appelle l'enterrement de vie de garçon, tu dis ah bah bon délire. Ah, trop bien, trop bien. Tristoun. Ah, j'aime beaucoup le thème. C'est toujours bien quand vous fabriquez quelque chose. Ouais, c'est non, franchement c'est cool. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est sympa. Guillermo Guise a été extraordinaire dedans. Ah bah c'est un très grand acteur. Il avait fait une série Roi de la Vanne. Ouais. Et ça c'était déjà très très bon. Là, là, super. Alors j'ai pas eu la chance moi, de voir spectacle. Je suis fan de tout ce qu'il fait. Mais ah, ouais. là ouais. Bah après c'est cool parce que c'était lui le personnage marrant du truc. Ouais. Parce que les autres c'est des gars normaux. Ok. Et lui c'est un peu le personnage un peu foufou. Ouais. Et putain il est marrant. Bah est trop marrant, bien. Hein. Trop c'est bien, sur MyCanal. N'hésitez pas à aller checker MyCanal où il y a aussi ton spectacle. Mon spectacle. Voilà. Ah ouais ça aussi c'est bien. Franchement. Il y a du bon spectacle sur, ah ouais, sur MyCanal. Ouais. Hein, ouais. Non, mais Jason, c'est vraiment il est lourd. Arrête. Lourd. Mais non, mais c'est vrai. Arrête, après, est-ce que vous bossez un peu ensemble en ce moment? C'est aussi pour ça. Voilà, on ah va oui, pas trop en dire. Mais, ouais, ça, ouais. Mais c'est pas à vous de le dire. SML. C'est pas à vous de le dire. On peut en dire plus, mais c'est pas à vous de le dire. Adrien Miel, ouais, la petite abeille. Bon, moi, écoute, c'est un peu calme en ce moment l'actu là. Non, cela dit, il y a quand même la tournée des avant-premières. Des avant-premières pour nous les Leroy. On va faire des floodcasts après le film, dis-toi, avec ce grand échat là. Bah, devine. Ah oui, donc ça nous fait bien plaisir. Voilà. Donc la billetterie d'ailleurs est sur mon Insta. Oui, là, et tout, là maintenant, elle est a priori. Elle ah voilà, ouais, tout est dispo. Il y aura peut-être voilà. annoncer des nouvelles villes et tout, donc ah, ça va génial. Être cool. Ouais, attends, bravo. Redis-moi, 21 avril. La sortie du film, ouais. C'est le 10 avril. 10 avril. C'est quoi ce film, pardon? C'est un film que j'ai écrit et réalisé. Maintenant, génial, félicitations. Ouais, Sophie Marie joue dedans, ou Adrien Méniel joue dedans. Tu vois derrière toi le gorille rouge, c'est tout simplement le grand prix de. Juste là, là. Le grand prix de l'Alpe d'Huez qu'il a remporté. Oui, je suis voilà, pas juste bravo, un gigantesque juste... beauf qui. C'est une comédie? C'est une comédie, ouais. C'est ah, une génial, comédie dramatique, mais c'est une comédie. Ouais, et voilà, ouais. C'est avec Charlotte Gainsbourg, José Garcia. Sympa. Et il y a plein de gens super en plus. Et c'est trop cool. Dont nous deux. Dont eux deux, exactement. Et donc voilà, donc on commence à faire plein d'avant-premières partout en France. Donc voilà, n'hésitez pas à venir bah, nous fier voir. De toi. Voilà. Bah merci, Jason. Voilà. Ouais. Mon avant-première, c'est la tienne, finalement. Ouais. C'est vraiment. C'est pas mon actualité, je veux dire. Oui, c'est la tienne. Avec quand même c'est quoi ton actualité? Bah, le film de Florent. Il le présente et tout. Mais je t'ai dit que tu faisais bien de sucer sa roue il y a 10 ans. Ça commence à payer un peu, quoi. Tu sais, Sarou qui est un méchant Seigneur des Anneaux aussi. Tu sais, Sarou. Mais t'es aussi dans La Bonne Auberge tous les dimanches, etc. Un dimanche sur deux. Un dimanche sur deux, pardon. Chaque fois, je me prends. C'est quoi La Bonne Auberge? C'est une émission de jeu de rôle. On joue à Donjons et Dragons sur Twitch en live. Avec qui? Avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia. Ouais. Grosse geekos, hein, Charlotte. Attention. Ouais, ouais, pas. Qui joue un elfe noir. C'est ça, de niveau 8. Non, non. C'est animé. Enfin, le maître de jeu, c'est Lucien Maine. Il y a son frère Max Mammouth. Et il y a Pénélope Bagieux et Lisa Villaret qui étaient l'invité de l'épisode précédent. C'est très bien. Et on joue. Ça fait 4 saisons là qu'on fait. Donc on a une campagne qui dure depuis 4 saisons. Super. Et qui est d'ailleurs là, c'est la dernière saison. De la campagne, parce qu'après on voilà l'histoire de ces personnages s'arrête et pas vous la bonne auberge mourir, d'ailleurs on peut oui, mourir là, tout le monde peut hein. Ouais. Ouais. De quoi dans la vie non, ouais. Non, déconne. Après dans voilà bon non mais n'en dis pas plus mais c'est je posais la question c'est possible. Hey, c'est possible moi je mets du suspense dans ton histoire ouais et voilà non et puis non bah là j'écris en ce moment donc ça bosse ça va pas sortir tout de suite ça bosse bah Feuilleman bah oui ça a été annoncé voilà. Monsieur écrit sur Feuilleman Pierre Niney McFly Carlito le film de super héros voilà qui est... ça avance bien là ça on a des on a des bons retours et qu'il est c'est calme ouais ouais non mais l'actualité est calme j'ai rien qui sort là. T'es fréquent ouais, à mes yeux. Mangeur de pierre. Il y a plein de trucs dans la marmite. Mais ouais, pas tant que ça. C'est un druide ce mec. C'est un druide. C'est vrai que je suis un druide, je me suis rendu compte. Bon, bah merci beaucoup, chers amis. Et puis bah à très vite. Salut tout le monde, ciao. Ok, bye. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.